I don't tip the boat over. Rock the boat. I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Ever since our voyage of love began. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Parlons Cinéma, l'émission où on discute des actualités cinématographiques qui nous ont marqué durant le mois passé. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 22, enregistré le 22 mai. Je suis Axel, un des hôtes durant ce podcast, et j'ai le plaisir d'avoir avec moi mes deux invités. Donc on commence avec Eddie, puisque vous l'avez entendu récemment sur Movies Nerd. Salut. Salut. Comment tu vas? Ça va, ça va. Nickel. Et... aussi, bah, j'ai un retour, on a un retour parmi nous, Morgan, donc salut, ça va? Bonjour, je suis vivant. Merci pour les oreilles. Tu le retenais celui-là. Ça vous avait manqué. Ouais, bah oui, oui, non, c'est non. Super. Enfin, gentil, c'est gentil. Ça commence bien. Non, mais voilà, donc Morgan de retour, c'est toujours, ça fait toujours plaisir. Et en plus, ça faisait quand même un petit bout de temps. Il me semble. Ouais, hein, quelque chose comme ça. Ah ouais, donc, c'était, voilà. C'était en février, ouais. Je crois, le dernier. Oui, ouais, voilà. On avait fait un parlant cinéma, ouais, c'était le dernier. Oui, voilà, donc ça fait un petit moment. Donc voilà, de retour, puis en plus on va parler de pas mal de choses qui peuvent t'intéresser, j'imagine. Ouais, puis pour faire un petit bilan un petit peu, Split c'est un chef-d'œuvre, La La Land c'est super, Moonlight c'est pas bien. C'est faux, Moonlight c'est très bien. Il y a quoi d'autre? Bon, c'est tout, voilà. Oui, t'avais pas aimé Moonlight. C'est pas que j'ai pas aimé, j'avais senti que ça allait être l'Oscar, et j'ai pas été touché par le film, il y avait trop de... Et récemment, Get Out, qui est pour moi un chef-d'œuvre, voilà. Ouais, il n'est pas passé... Enfin, chez moi, il n'est pas passé, en tout cas. Et bah, je suis pas raciste, hein. J'ai des amis noirs, donc voilà. Il est comme Nadine Morano. Voilà, voilà. Voilà, c'est bon, ça commence. Parfait. C'est tout condensé, résumé en quelques secondes, c'est parfait. Donc voilà, il y a pas. Ah si, ce Morgan n'a pas aimé La Belle et la Bête. Oui, ah oui, non, j'ai pas aimé du tout. Mais oui. Voilà, c'est pas grave, hein. Et j'ai adoré Fast and Furious 8. Voilà. Oui, voilà, non, mais voilà. Donc bon, tout est dit, c'est bon. Voilà. C'est bon. Parfait. Et j'aime toujours Touche pas à mon poste, et surtout en ce moment c'est chaud les marrons, donc voilà. Vous avez un peu mon niveau culturel là, c'est un peu. Voilà. Ouais. Ah bah c'est le combo gagnant, hein. Fast and Furious plus Touche pas à mon poste, là on a un bon profil. Hein. J'aime Touche pas à mon poste, mais pas Cyril Hanouna. Ce qui s'est passé est indéfendable, mais je n'en parlerai pas. Ah d'accord. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Oh. Donc voilà, ce que je voulais dire c'est qu'on a pas mal d'actualités, donc on va peut-être commencer. Avec un truc qui normalement devrait faire plaisir à Morgan, on verra ce qu'il en pense. Donc la bande-annonce de Kingsman, le Cercle d'Or, donc le deuxième volet de Kingsman qui sortira le 11 octobre, elle est sortie, il y a pas mal de trucs qui se passent dans la bande-annonce, c'est assez, il y a pas mal d'action. Donc c'est toujours Matthew Vaughn à la réalisation. Très bien. Voilà, on retrouve... pas de soucis. Désolé, j'ai eu un ok. Il y a donc Halle Berry qui est nouvelle au casting. Il y a aussi Channing Tatum et Pedro Pascal. On retrouve. Non, Julianne Moore, elle n'était pas déjà dans le premier, je crois. Pedro Pascal, non. Il a toujours ses yeux. Mark Strong et Colin Firth aussi. Voilà. Donc, un casting aussi intéressant que le premier, même un peu plus. Enfin, il y a quand même pas mal de têtes d'affiche. Donc. Voilà, c'est l'histoire de Kingsman qui continue, enfin c'est, à mon avis c'est la suite directe, et on voit d'ailleurs un retour de Colin Firth, puisque normalement il était toujours, enfin c'est un spoiler pour le premier, mais bon, au bout d'un moment ça fait 2 ans qu'il est sorti, donc bon. Au bout d'un moment les spoils, il y a prescription. Voilà, c'est ça. Donc, et il était peut-être censé... un spoiler pour le deuxième, mais je trouve ça un peu ambigu quand même, de le montrer comme ça, pour moi il y a un truc de bizarre. Voilà, donc on le montre à la fin de la bande-annonce, en train de se raser. Voilà. Je vais peut-être laisser la place à Morgan pour dire ce qu'il en a pensé. Ouais, parce que je vous ai bien cassé la tête avec ce film en 2015. Alors honnêtement, j'ai non. Vu la... Ouais, beaucoup. Ouais. Alors honnêtement, j'ai vu la bande-annonce. Voilà, j'ai eu un état d'excitation évident parce que voilà, le retour de Matthew Vaughn fait plaisir. Parce que le monsieur à la base est très fort pour lancer les franchises, mais se barrer au bout du deuxième. On l'a vu avec Kick-Ass, on l'a vu avec X-Men. Mais bon, X-Men Day of Future Past non, ça va, est super. Ça va bien, voilà. Ça va bien continuer. Mais Kick-Ass, ah oui, très Kick-Ass 2 était vraiment une atrocité sans nom. Là, voilà, je suis hypé totalement. Déjà, en plus, on met du Frank Sinatra et My Way est une de mes chansons préférées au monde. Et voilà, on met du Frank Sinatra, j'attends forcément le film. Le casting, évidemment. Je sais pas si t'as cité que Elton John était là aussi. Ouais, aussi, c'est vrai. Elton John, mais attends, quand même. On le voit pas, on le voit dans le bande-annonce ? Non, bah non, je pense qu'il se montre pas, le monsieur. Ouais. À mon avis, c'est ça va être Mark un petit Hamill caméo. Pour le premier. Ouais. Oui, oui, Mark Hamill, voilà, c'était. Ouais. Mais alors, si vous voulez, évidemment, j'attends le film. Évidemment, j'ai hâte de le voir parce que j'ai adoré le premier. Voilà, c'était un bol d'air frais dans toute, dans tous les blockbusters qu'on voyait, une alternative au film Marvel, au film DC, à tout. Bah, vraiment. En plus, c'est pas une adaptation. Enfin, c'est une adaptation, mais c'est pas un remake, c'est pas un reboot. Mm-hmm. C'était frais. Néanmoins, je me méfie toujours parce que j'ai tellement adoré le premier qui a été une surprise, comme les Gardiens de la Galaxie 2 d'ailleurs par exemple, j'ai adoré les Gardiens de la Galaxie 2 mais il y a eu un effet de surprise qui a totalement disparu et qui du coup m'a rendu le film très sympathique mais j'étais peut-être un peu moins dedans. Et là j'ai peut-être peur d'être un peu immunisé par l'univers, par les personnages, par le rythme, de me dire bah ça je l'ai vu dans le premier et au final d'avoir la même chose que dans le premier, donc être moins surpris au final. Donc le risque c'est que je trouve, alors soit je vais trouver ça transcendantal, mieux, beaucoup plus loin, beaucoup plus transgressif, fou et drôle, et c'est tout ce que je souhaite et j'espère que Matthew Vaughn va miser double sur le programme. Mais je peux aussi me dire c'est très bien mais c'est comme le premier, donc je vais peut-être sortir de là en disant j'ai aimé mais je suis pas plus surpris que ça en fait. Et c'est le problème avec les seconds volets. Je vais peut-être moins parler alors que le premier c'était tellement énorme, tellement frais, tellement nouveau. Et je pense pas que je vais autant vous emmerder avec le 2 qu'avec, même si c'est le film que j'attends le plus cette année, hein, souvenez-vous. Ouais, mais on se rappelle de tes attentes pour 2017, c'était le premier. Ah oui, puis j'avais dit aussi Alien Covenant est une merde, voilà, je le casse. On en parlera dans le prochain Movies Nerd sûrement. Et je viendrai. Et voilà, donc le risque c'est ça. C'est je peux aimer mais j'ai un peu peur quand même. Le côté c'est la suite qui me surprend pas. Elle va m'apporter ce que je vais rechercher, mais est-ce que ça va me... Je sais pas. D'ailleurs, moi, ce qui me fait peur, c'est... vu les retours qu'il y a eu sur cette scène de l'église, tout le monde en parle. voilà, j'ai l'impression déjà d'avoir vu deux scènes de l'église. Elle est trop bien, cette scène. Ouais, bah oui, elle est trop bien, mais j'ai l'impression d'avoir vu deux scènes de l'église juste dans la petite bande-annonce, là, avec les ralentis. Enfin, la scène est bien, mais surtout la punchline de... Oui, de Green First qui est bien. Non mais oui c'est très bien mais moi parce ce que j'ai final, pensé elle était qu'il... pas gratuite dans le premier, c'était pas un film gratuit, c'était pas ça. Gratuit, il y avait un côté, il y avait la jubilation de on rêve tous de dire ça, une catho intégriste quoi. Donc, du coup il y avait vraiment cette espèce d'insolence qui disait Christine, si tu nous écoutes, moi je rêve souvent d'entrer dans une église et crier Christine Boutin si tu nous écoutes, mais voilà, ça c'était ça qui était fou. Après il faut pas que ça tombe justement dans le copier-coller du 1, il faut que ça propose autre chose, parce que si ça fait la même chose ça va être bien, mais je pense que moi je peux être fan, mais au bout d'un moment je vais avoir du recul et me dire bon au final on m'a servi la même chose, donc c'est pas ce que j'attends d'une suite. Moi j'attends d'une suite que ce soit un genre Alien le retour ou genre Terminator 2, un truc qui surpasse, qui propose autre chose, qui aille plus loin. Spider-Man 2. Oh bon alors là j'en parle même par pas. Exemple. Totalement voilà, bah, Spider-Man 2 c'était la continuité et tout ça, c'était magnifique. Je pense que tu peux, enfin on peut peut-être avoir confiance en Matthew Vaughn, je pense qu'il est assez intelligent pour pas faire la même chose. Et pour pas se reposer sur ce qu'il a déjà mis en place dans le premier, personnellement, je fais confiance à l'intelligence de Matthew Vaughn, mais après, le film ne m'avait pas non plus transcendé parce qu'on l'avait trop hypé. Hein. Morgan et Quentin me l'avaient vraiment survendu. Mais c'est, en plus, c'est même pas que nous, hein. Tout le monde. Moi, je l'ai pas revu, moi, mais. Moi non plus. Je l'ai vu qu'une fois, et c'est vrai que j'en garde ce souvenir. Oui, c'est un peu cool, mais vite, quoi. Je pense que c'est bien de revoir les films qu'on vous a un peu. Comme moi, avec Mad Max Fury Road, je l'ai vu quand même à une époque où on ne parlait que de ça. Il fallait aimer ce film-là, sinon tu te faisais. Tu es sur la place publique. Je l'ai revu là en édition Black and Chrome. Je suis pas mort. Hein. Ouais. Ouais, tu l'as. Non, mais tu l'as pas non, vu, Mad Max. Non, je l'ai pas vu. Voilà, mais je pense que quand tu vois les films en dehors de leur hype, ça permet peut-être mieux de les apprécier. Comme toi, Eddie, avec La La Land, par exemple, que t'as vu un petit peu après que contre les survendus. Dans voilà. Les ouais, mais même il mettait bien. Enfin, la hype, ça s'estompait, oui, mais je l'avais bien encore en tête. Et après, j'ai été regarder le film. En fait, il m'est tombé sous le nez. Donc, ça s'est proposé comme ça, en fait. Donc, j'ai pas trop réfléchi. D'accord. Ouais. Vu que j'ai pas trop réfléchi, j'ai pas trop eu le temps de penser à mes a priori et tout aussi, je pense. D'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, je sais que quand je vois un film dans la hype, je suis un peu. Franchement, Mad Max, j'avais aimé, mais je me suis dit, je sais pas, il y a un truc qui fait que j'ai moins. Puis quand je l'ai revu là, en édition Black & Chrome, j'ai redécouvert le film et j'ai compris d'accord, pourquoi ouais. Le film est un chef-d'œuvre, quoi. Mais ça, c'est... enfin, ça, j'ai pas vu le film, mais c'est. Enfin... La version Black & Chrome, je sais pas si... Ah bah, en tout cas, bon... C'est quand même du marketing. Eh bah, pas du tout. Enfin, honnêtement, pas du tout, parce que je sais qu'elle... Je vais faire une petite parenthèse de 30 secondes. Ouais, vas-y. On avait dit que Mad Max Fury Road était, en tout cas, la version couleur, beaucoup parlait d'influence, du cinéma muet, etc. Et même, beaucoup lui reprochaient une absence de scénario et qu'une absence de dialogue, et tout le monde disait, non, mais tout passe par le regard. Et voir le film en édition Black & Chrome, qui est ce que Miller voulait faire, c'est une façon... c'est une façon de voir le film dans les meilleures conditions possibles parce que personnellement j'ai compris vraiment l'ambition du film, même dans la enfin il y a même des plans qui rappellent, même si j'ai pas vu le film après il y a eu des comparaisons, Metropolis dans les plans, dans la symétrie ou même dans les réactions des personnages où tout passe par, il y a un côté un peu cinéma muet, c'est à la fois un film muet avec les mais très moderne en même temps et visionnaire, enfin c'est un mélange hybride. D'accord. Et c'est à ce moment-là je me dis OK, le film est important pour ça. Donc du coup tu le regarderais plus qu'en Black & Chrome. Plus qu'en Black & Chrome, bah je pense que pour mieux aller l'édition couleur honnêtement permet de pourtant c'est con parce que les couleurs ont l'air belles. Bah c'est ça qui me faisait peur. La photographie a l'air belle pourtant. Ah mais elle est magnifique, mais en édition Black & Chrome on ressent plus le côté viscéral des scènes et puis la maîtrise formelle quoi. Après, c'est autre chose, c'est autre chose en fait. S'il l'avait pensé en noir et blanc, je pense que la photographie s'adapte, je pense, très bien du coup. Oui, parce qu'il y a des scènes d'explosion avec voilà, des explosions un peu rouges, vertes. Hein, ouais, voilà, c'est vrai que je me suis dit, mais ça, je vais peut-être y perdre. Et au final, la Black & Chrome propose c'est totalement inédit dans mon ressenti et on comprend totalement les intentions de Miller. On voit bien que c'est pas juste un film frénétique pour dire je sais bien faire de l'action. Il y a vraiment une recherche créative, artistique, une ambition derrière. C'est vraiment, d'accord, je prends les éléments du cinéma muet, je les intègre. C'est un espèce de The Artist, mais version blockbuster, quoi. Et ouais, okay. The Artist, c'était plus une démonstration technique. Là, il utilise les codes du cinéma muet, même les personnages dans les regards, dans leurs attitudes. Et il utilise aussi surtout des éléments modernes et ça fait un film. C'est le cinéma d'avant qui rencontre le cinéma d'aujourd'hui et ça fait le cinéma du futur. Et ça, pff, nickel. Okay, oh, c'est beau. Ouais. Putain, j'ai pas perdu mon intelligence et ma pertinence. Ouais. Ça aurait été beau si tu t'étais pas, si t'avais pas enflé tes chevilles juste après. Je peux pas m'empêcher. Non, mais personnellement, enfin, moi, juste, on va passer rapidement sur Mad Max. Enfin, on va repasser sur Kingsman après. Mais ce que tu dis, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment un film que j'ai vu en tant que film d'action. J'ai passé un très bon moment devant, mais c'était pas, voilà, je voyais pas la hype que tout le monde avait foutu sur le film. D'ailleurs, je l'avais vu un mois après. Ça m'avait un peu aidé à supporter plus le film parce que vu toute la hype qu'il y avait eu. Voilà, donc. Pardon, il y a mon portable qui grésille, désolé. Ah, ok, pas de soucis. Non, du coup, voilà. Ah oui, non, mais ça permet. Il y a des plans dans la version couleur qui vont te sembler peut-être anecdotiques. Et quand tu les vois en noir et blanc, tu te dis waouh. Enfin, il y a vraiment des plans qui rappellent. Enfin, pour avoir vu plein d'extraits de Metropolis, tu te dis mais oui, c'est Fritz Lang, quoi. Ce que je vois, c'est un film de Fritz Lang, quoi, clairement. D'accord, ok. Et voilà, comme c'est ce que Miller voulait faire, et c'est tout à son honneur. D'ailleurs, Logan, le film de James Mangold, va aussi subir ça. Oui, aussi, par contre, il va falloir arrêter quand même hein, de sortir les films en noir et blanc à chaque fois. Hein. Ah oui. Ouais. Oui, oui. Bientôt ils vont la faire à l'envers, ils vont sortir le dictateur en couleur, tu vois. Mais faut arrêter quand même ça. C'est bon. Donc on repasse rapidement sur Kingsman. Eddie, t'as pas encore donné ton avis sur la bande annonce J'en pense pas grand chose en fait. Je verrai. C'est tout. Ouais. J'ai pas de hype particulier. Non, c'est ouais. un blockbuster, monsieur préfère le festival de Cannes. Non, c'est pas ça, mais non, parce que quand tu vois de bah quoi non. on va parler après, ouais, voilà, c'est ça. Non, mais je sais pas, je l'attends, je dirais pas que je l'attends pas, mais j'irai, enfin, je pense pas que j'aille le voir au cinéma. Ouais, je. Si, peut-être que. Moi, personnellement, j'irai peut-être le voir au cinéma, mais ce sera sans toute l'hype que. Même si tout le monde me dit que c'est un chef-d'œuvre, je baisserai beaucoup mes estimations. À moins que je revoie l'autre d'ici là et que du coup mon avis change et puis je me décide à aller voir nouveau au cinéma, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser en fait. Oui, oui. Bah, voilà, vu que j'ai pas trouvé le premier si ouf que ça, bah du coup le 2, j'ai pas d'attente particulière en fait, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ça m'a critiqué hier parce que j'ai dit que j'étais pas fou de Pirates des Caraïbes 1. Voilà. Ouais. Alors que non, mais j'ai aimé, mais voilà. Mais, il y a des mais. C'est trop cool le frère. Donc, on va passer à la deuxième news du coup. Donc, ça concerne Jurassic World 2. C'est pour ça qu'on parlait d'un blockbuster que Eddie adore. Ça va s'appeler Jurassic World 2. Il n'y aura pas Jurassic World avec un autre titre derrière, non enfin... Bah, c'est. Je sais pas. Après, Jurassic World 2, moment, c'était le monde perdu. Le monde perdu, mais qui ne l'est plus. Et voilà, c'est ça. Ah, mais c'est pas pareil. C'est pas vraiment ce que ça veut dire, le monde perdu. C'est pas cette signification-là dans le film. En fait. Ouais, je pense aussi. Ouais, je l'ai pas vu, mais je pense que oui. C'est... Ah, tu l'as pas vu? T'as pas ah vu non, j'ai vu que le premier, moi, Jurassic Park. Oh bah écoute, si tu veux voir. Oh bah tu peux regarder les deux autres. Hein. Ouais. Ah oui, enfin, non, mais oui. Le 3, verrai, peut-être pas. Franchement, si tu veux te divertir, tu regardes le 2. Le 3, pour le coup, il est bon, il est moins bien, mais par contre, il est très divertissant. Ouais, ça a l'air d'être un bon petit survival. Ça m'a l'air pas mauvais. Hein. Ouais. Donc, bah, justement, on parle du 2. Donc, le personnage principal du 2, donc, qui est Ian Malcolm, joué par Jeff Goldblum, devrait reprendre. Donc, Jeff Goldblum, pardon, devrait reprendre son personnage de Ian Malcolm dans Jurassic World 2. Il était déjà teasé pour le 1, mais finalement, il était. Oui, il y avait juste une référence bouquin, dans Jurassic World, bouquin sur le chaos. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça, bien sûr, comme d'hab. Le film sera réalisé par Juan Antonio Bayona, qui a fait Quelques minutes après minuit et L'Orphelinat. The Impossible. Oui, aussi. Et voilà, donc c'est tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que Jeff Goldblum reprendra son personnage de Ian Malcolm dans Jurassic World 2. Qu'est-ce que tu en penses, Eddie? Moi ça m'a vraiment mis en joie parce que c'était le truc que j'espérais plus en fait. Donc maintenant s'ils annoncent que Sam Neill revient aussi là c'est clair, je pense que je campe devant le cinéma là. Mais après le film, je l'attends. Oui, je peux pas dire que je l'attends pas parce que c'est la suite de Jurassic World et ça reste la franchise Jurassic Park quand même. Donc du coup, je l'attends. Même si c'est vrai que le scénario me faisait peur au début, mais plus ça va, là, plus le tournage avance et ça me rend curieux en fait. Déjà tout le tournage se déroule en Angleterre. Ouais. Il y a beaucoup de scènes en extérieur en Angleterre. Ah ouais, d'accord. Ouais, ils ont tourné dans les Highlands en Grande-Bretagne et tout en Écosse. Ouais. Donc, en plus niveau dragon en Angleterre, ils ont ce qu'il faut. Hein, ils ont la reine Elizabeth. Le dragon, pas dragon, dinosaure, pardon. Je raconte n'importe quoi. Mais du coup, c'est vrai que ça me rend curieux quoi. Je sais pas si ils vont utiliser. Je sais pas s'ils vont utiliser tous ces décors avec des dinosaures ou si je sais pas. C'est en fait c'est un scénario qui me faisait peur au départ et apparemment ça a l'air d'être un petit peu moins barré que prévu. Donc c'est bien. Oui, c'est pas des dinosaures qui auront des flingues sur eux ou des machins comme ça. Ah non. Non, mais par contre, c'est vrai que je pense maintenant que le côté dino militaire ça va bien être une question du film, mais je pense que justement ça va être le but à ne pas atteindre. Ça va être le truc que les héros vont devoir tout faire pour éviter quoi. D'accord, ouais. Je pense qu'en fait pour moi ce qui va se passer c'est que Wu va certainement vouloir vendre et avec il va vouloir vendre justement les embryons pour que l'armée puisse faire ses projets qui étaient prévus avec les dinos. Ouais. Mais du coup, à mon avis, il y a toute une organisation autour qui va faire que non, parce qu'il y a Ian Malcolm qui revient, donc lui, les dinosaures, il les a vus de près, il connaît bien. Il y aura Claire, il y aura Owen, et puis il y a aussi un nouveau personnage qui sera joué par James Cromwell, oui. Qui possiblement serait en fait le bras droit de John Hammond. Ah, d'accord. Le co-créateur de Jurassic Park. Donc du coup, c'est vrai que ça peut être intéressant aussi, quoi. Mm-hmm. Oui, et, bah, et puis après, moi, il y a un truc qui m'a rassuré, c'est... Il y a un truc qui me rassure, déjà, c'est Bayona à la réalisation, ouais, parce que je sais que ça aura de toute façon de la gueule. Mm-hmm. Parce que niveau mise en scène et tout, ça a quand même quelqu'un qui sait y faire. Après, je veux dire qu'on aime ses films ou pas, mais c'est vrai que il a... Enfin, il sait filmer, quoi, déjà. Ouais. Et rien que pour ça, je pense que ça peut être intéressant. Je suis curieux de voir ce qu'il peut faire dans la jungle et tout, avec des dinosaures, tout ça. Mm-hmm. Donc, okay. Mais oui, du coup, Ian Malcolm qui revient, ça, c'est super cool. Ouais. Ben, Morgane, toi, tu l'as vu 10 minutes dans le premier, donc je sais pas si tu le connais vraiment. Je connais le personnage et l'acteur surtout, puis c'est un acteur, quoi. Ouais. Bon, pour moi, Jeff Goldblum, c'est surtout une dépendance d'elle. Bah, après, chacun ses références. Non, d'ailleurs. Moi, c'est surtout Jurassic Park, du coup. Non, mais moi, je suis surtout content que. Ah oui, oui, c'est vrai, la mouche, oui. Je suis surtout content que ce soit Juan Antonio Bayona qui fasse le 2. Moi, je fais partie de ceux qui ont aimé le premier. Je sais que le premier. Enfin, le Jurassic World. On est tous les trois à avoir aimé. Y a une mode qui est tapée sur Jurassic World. On en a fait sûrement le film le plus débile de 2015. Je ne comprends pas. J'ai trouvé qu'il avait ses limites. Je l'ai trouvé vraiment bien et agréable. Il y avait, voilà, ce doux plaisir nostalgique qui était bien. Mais c'est surtout que là, voilà, en termes de réalisation, ça me fait vraiment plaisir parce que Bayona est un réalisateur. On l'a vu dernièrement dans Quelques Minutes Après Minuit. Voilà, je suis curieux de voir ce qu'il pourrait faire avec ça. Et puis j'ai hâte de re-rentrer dans ce parc, quoi, de voir des dinosaures et tout. À mon avis, le parc, on le verra. Ben, je pense qu'on le verra parce qu'ils ont quand même tourné à Hawaï. Donc tous les tournages pour le premier, c'était à Hawaï. Donc je pense que le parc en ruine, on le verra. Surtout que sur les sets de tournage en Angleterre, il y a la devanture d'un des bâtiments de Jurassic World, la rue principale. Qu'on revoit, mais détruit, en fait. D'accord, ok. Donc, du coup... Donc, on y retournera quand même. Ouais, mais ça semblait logique, je pense. Oui, mais je pense pas qu'ils allaient abandonner... Il y a des gens qui pensent à une opération de... Alors, par contre, c'est con, ça se rapprocherait un peu du monde perdu, même si c'était pas le but du monde perdu, mais il y a des gens... Ah, de sauvetage. De sauvetage, de récupérer... de sauver, en fait, les dinosaures du parc. Ouais. Du coup, c'est vrai que, y a plus de barrières, y a plus de clôture. Donc, en fait, y a des dinos qui chassent. Et en fait, y en a qui pensent à un sauvetage des herbivores, enfin, pour préserver les espèces. D'accord, ok. Ça paraît très logique parce que c'est des gros investissements, finalement, quand tu vas dans la logique du film. Oui, c'est vrai. Donc, je sais pas. Ouais. Le T-Rex devrait revenir aussi, apparemment. Oui, bon, c'est Jurassic Park, normalement. Oui, mais le vrai T-Rex. Ah, celui oui. du premier, celui du Jurassic World, et voilà. Ah. Parce que dans le 2 et le 3, c'est pas les T-Rex du premier, c'est pas les mêmes îles. C'est pas la même île, ouais. Ok. Donc, voilà, le film sort le 6 juin 2018, donc un peu plus d'un an. Donc plus le temps de tourner, de monter, tout ça. Bah, il sort le même mois que le premier, en fait. Tous les mois de juin, je pense. Ouais, c'est ça. Et le 3 sortira pareil, je pense. Oui, j'imagine. Parce qu'il y aura un 3, hein. Je pense que le 2 va très bien fonctionner. Le premier a déjà pas mal fonctionné. Hein. Le premier, ça avait été le film le plus rentable rapidement, je crois, de l'histoire du cinéma, avant d'être battu par un autre. Par Star Wars, non ? 7 ? Oui, peut-être bien. Ouais. La même année. C'est le premier film à avoir atteint le milliard de dollars en un week-end d'exploitation. Ouais, donc ça va, je pense que ça fait plaisir aux investisseurs de voir ça. Moi ce qui me ferait plaisir, en fait, c'est de voir plus d'animatroniques, comme je le dis toujours, mais pour Jurassic Park et World, c'est vraiment ce qui manquait dans le premier, en tout cas. Il pourrait y en avoir plus dans celui-là, parce que c'est un... Bayona, c'est un cinéaste de l'émotion, un peu, quand même. Oui. C'est vrai que s'il y a beaucoup de plans rapprochés, par exemple, je sais pas, avec les Raptors... Ouais, de toute façon, le numérique, ça fonctionne pas sur les plans rapprochés, vraiment. Parce que faire de l'émotion. Parce que dans Jurassic World, les plans larges fonctionnaient bien, mais les plans proches où on voit Omar Sy ou Chris Pratt plus proche des Raptors, c'est vrai qu'on voit que ils sont en numérique. Ouais. Il y a que l'Indominus, en fait, de près qui avait encore de la gueule, je pense. Eddie, tu parles de Raptors, Eddie, ça me fait penser ce qu'on vit Madame Doubtfire. C'est le rap du Raptor. C'est moi, Ah oui, oh là là. C'est la référence des dinosaures. Et je revois parfaitement. Ah, j'ai pas pensé du tout. Ah oui, non mais moi non plus, j'étais pas là. Le type de kiss. Je suis dans le coup. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça, en plus. Il a toutes les répliques. En plus, maintenant. Mais du coup, c'est vrai que, justement, s'il y a des scènes plus proches avec les animaux, peut-être qu'on aura de l'animatronique. Mais bon, après, moi, je me fais pas trop d'illusions. Hein. Je pense que, vu ce qu'ils veulent faire aux dinosaures et tout, l'animatronique, c'est pas... De toute façon, ça, c'est pas... Le problème, c'est que c'est des animaux qui sont très vivants, beaucoup plus que dans les autres films. Donc c'est compliqué en fait de mettre de l'animatronique. Oui, je sais, mais bon, voilà, c'est toujours pour moi ce qui fonctionne dans le premier, c'est vraiment ce mélange ça a été un des premiers à le faire, un mélange d'animatronique et d'effets visuels numériques. C'est ça, c'est que tu repères pas tout le temps en fait. Voilà, c'est ça. Quand est-ce qu'il y en a et quand est-ce qu'il y en a pas. C'est ça, parce que c'est bien dirigé, etc. Bon, Steven Spielberg, hein, bien sûr. Mais voilà quoi. Mais sinon, Jeff Goldblum, oui, pourquoi pas. Ian Malcolm, c'est vraiment un personnage que j'apprécie énormément dans la saga parce que c'est un défaitiste. Enfin, c'est vraiment un gros défaitiste, mais en même temps, il garde les pieds sur terre et ça, c'est toujours, un réaliste. Aussi. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, donc c'est toujours sympa en plus d'avoir Jeff Goldblum dans le film. Donc oui. Voilà, pourquoi pas. C'est des bons acteurs, autant les faire revenir. Oui, voilà. On verra bien donc le 6 juin 2018, dans un peu plus d'un an. On passe à la suite. Donc, on parlait, il y a quelques mois déjà, d'un reboot possible du monde de Narnia. Et ça se confirme, donc, et on a un réalisateur même qui est attaché au film. Donc ouais, c'est fait une drôle de transition parce que. Oui, bah oui. Bah oui, Jurassic Park 3. Jurassic Park 3, donc Joe Johnston qui n'a pas fait que ça, hein, rassurez-vous. Jumanji, ouais, Captain America. Parlons des bons films, enfin, j'ai fait Jurassic Park 3, mais ouais. Ouais, Captain America le premier, Jumanji, Rocketeer, qui sont des très bons et films. Et Wolfman. Et je Wolfman. Son dernier, ouais. Ça doit être Wolfman. Que tout le monde déteste et j'ai pas trouvé ça si nul, moi. Mais c'est parce que c'est un film saboté par les studios, ça, en fait. Hein. Moi, j'ai trouvé que ça restait un bon film de loup-garou, hein. À l'ancienne. D'accord. Donc voilà, il est attaché à ce film, donc ce serait pas vraiment... Enfin, si, en fait, c'est vraiment bizarre, ce projet. Parce qu'ils veulent faire un reboot, mais ils veulent passer au sixième bouquin, donc qui est Le Fauteuil d'Argent. Mais sans les anciens acteurs, sans Liam Neeson qui fait la voix du lion Aslan ou de tout le monde. Il dégage les acteurs, il dégage les réalisateurs, tout ça. Et ils veulent continuer quand même l'histoire, mais en faisant un reboot. Enfin, c'est vraiment très bizarre, je trouve. Et c'est vraiment pas la bonne solution pour ramener des gens sur cette saga parce que ça pourrait être vraiment fait beaucoup mieux, je pense. Après, c'est vrai que les tomes qui devraient être logiquement adaptés maintenant, les quatre enfants des trois premiers, en fait, ne sont plus, ne vont plus à Narnia, en fait, dans ces tomes-là. Oui, oui, oui. Ils sont trop grands. Donc, du coup, hormis l'acteur qui jouait dans jouait Eustache dans l'Odyssée du Passeur d'Aurore, que Morgan aime bien, c'est Will Poulter. Ah oui, je l'adore. Du coup, il reviendra pas parce que là maintenant il est trop grand, mais l'acteur est trop grand pour reprendre son rôle. Donc c'est vrai qu'il y a ça qui fera bizarre parce que ça va être un nouvel acteur pour un personnage qu'on aurait déjà vu avant. Mais en fait, je pense que les films ne seront plus liés, mais qu'on pourra les regarder quand même dans la logique de la saga en fait. Ouais, je vois. Mais pour moi, personnellement, je trouve ça un peu bizarre. J'aime beaucoup les bouquins. J'ai pas lu les deux ou trois derniers, faudrait que je les lise encore, mais j'aime beaucoup les bouquins. T'as pas lu, Louis ? T'as pas lu lesquels que c'est ? J'ai pas lu Le Fauteuil d'Argent déjà, La Bataille Finale et la dernière bataille. La dernière bataille et peut-être Le Passeur d'Aurore, je sais plus. Mais les trois premiers, c'est quoi ? Sans chance, on réfléchit. C'est Le Neveu du Magicien, Le Lion, La Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, Le Cheval et son Écuyer et Le Prince Caspian, c'est ça. Donc t'as pas lu, oui. Voilà, c'est ça. J'ai pas lu L'Odyssée du Passeur d'Aurore, Le Fauteuil d'Argent et. Oui, bon, je sais pas, je verrai ça, mais voilà, moi j'aime beaucoup cet univers, et je trouve ça vraiment dommage de l'adapter, de faire ça, et pour moi c'est comme si on avait adapté Le Seigneur des Anneaux et qu'on avait changé l'acteur de Frodon, dans le 2 quoi, c'est vraiment dommage, et c'est pas... De toute façon ça s'est barré en couille à partir du 3, hein. Bah oui, non, mais de toute façon, Narnia, ça n'a jamais été aussi ambitieux que Le Seigneur des Anneaux, malheureusement, parce que ça mériterait vraiment. Oui, l'univers est intéressant. Voilà, après, c'est vrai qu'il y a tout ce côté, c'est que c'est très biblique, quoi. Donc, forcément, ça dérange un peu. Et c'est un peu plus enfantin aussi. Et c'est très enfantin, ouais. Mais par contre, moi, c'est vrai que j'avais bien aimé le premier, parce que je l'ai vu, j'étais jeune encore. Et j'avais bien aimé le second. Et en fait, c'est le second qui a pas marché, qui a été abandonné par Disney, du coup. Ouais. Alors que moi, je trouve que le second est vraiment très bien, même en termes de film épique. Là, pour le coup, c'était vraiment bien foutu et tout. Et quand tu sais que c'est le réalisateur des Shrek à la base qui a fait les deux premiers, ben c'est quand même. Ouais. mais par contre, c'est vrai que le 3, j'avais été horriblement déçu, quoi. Je l'ai pas lu, donc je l'ai pas vu non plus, mais j'en ai entendu du mauvais, hein, donc voilà. Morgane, je vais peut-être te passer là. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que t'avais aimé les Narnia ou pas du tout? J'ai vu le premier, je l'avais loué en DVD à l'époque, hein, j'étais au collège, ouais. Ça m'avait pas du tout intéressé, donc j'ai pas vu le 2, j'ai pas vu le 3, donc je m'en fous vraiment. Tu t'en fous, d'accord. Voilà. Ok, donc voilà. Et niveau scénario, c'est David Maggi qui s'occupera du scénario. Donc il s'est occupé de l'Odyssée de Pi et le prochain Mary Poppins. Pourquoi pas. Alors lui, il écrit pour Disney et puis il va écrire aussi pour une franchise qui a été délaissée par Disney. C'est ça. C'est fou, ça. Exact. Donc voilà, Joe Johnston aussi à la réalisation. Pourquoi pas. C'est pas un mot. Enfin, j'aime bien Jumanji, mais il a surtout fait Chéri, j'ai rétréci les gosses. Hein. Ah, aussi, c'est vrai. Aussi, ouais. qui est super, mais bon. Ah oui. Voilà. oui, donc voilà. Non, mais c'est un réalisateur assez polyvalent, je trouve. Bah, je pense que sur le côté aventure et tout, ça ira, il y aura pas de problème pour lui. Ouais. Après, c'est vrai que le fauteuil d'argent, il est particulier hein, comme bouquin. Les deux derniers sont assez particuliers. Il y a des personnages un peu bizarres. Les univers visuels peuvent être intéressants, mais je sais pas. Après, faut voir. Mais peut-être que moi, ça me gêne pas. Non, l'idée qu'ils rebootent la franchise. Hein. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils rebootent à partir du 6e. En fait, qu'ils continuent quoi. Ils devraient rebooter et refaire depuis le début, comme ça se fait d'habitude, et avec de nouveaux acteurs, et puis faire vraiment ambitieux. Je vais pas dire comme le Seigneur des Anneaux parce que c'est beaucoup trop ambitieux. Une adaptation moins lisse, moins. Et bon, après, c'est compliqué parce que ça reste quand même des animaux qui parlent, des créatures magiques et tout, donc bon. Non, mais je pense que, enfin, personnellement, je pense que ce que j'imagine dans ma tête, ça se passera jamais, mais parce que il y aura jamais assez de personnes intéressées par le film, je pense, puisque vu la recette que ça rapportait, c'était pas, enfin, les deux derniers surtout. Bah, le premier avait cartonné, hein. Ouais, voilà, le premier avait cartonné, je pense. C'est pour ça que c'est surprenant que le second ait pas marché, quand on voit le succès du premier. Ben oui, ouais. Bon, après, je pensais que le second a coûté très très cher. Oui. J'imagine que vu les effets qu'ils ont dû faire à cette époque. Bah, puis les décors, et puis ils ont tout tourné en Nouvelle-Zélande. En plus. Bah ouais, donc Peter Jackson, depuis qu'il a fait le Seigneur des Anneaux, tu penses bien que tourner en Nouvelle-Zélande, c'est pas donné. Hein. Ouais, bah oui. Donc voilà, Monde de Narnia, c'est une news. Et maintenant, on va passer à un truc un peu plus bizarre. On va dire. Donc on en parlait, je sais pas, il y a quelques années déjà. Quelques mois, que c'était vraiment une rumeur, on n'y croyait pas vraiment, que David Fincher était attaché au projet de suite de World War Z. On en avait rigolé, je crois. Et finalement, apparemment, c'est vraiment, ça se passe vraiment. David Fincher va vraiment réaliser la suite de World War Z avec Brad Pitt en rôle principal, puisque normalement le 2 était censé être réalisé par Juan Antonio Bayona, mais bon, il est occupé pour Jurassic World 2. Et donc, Brad Pitt, qui produit le film, a fait appel à son ami David Fincher pour réaliser le film World War Z 2. Donc voilà, j'ai vraiment... C'est sûr qu'après Gone Girl, ça va faire bizarre. Voilà, c'est ça en fait. J'ai vraiment du mal à comprendre l'intérêt de Fincher pour faire ça. Mais je suis dans le déni, moi. Oui, moi je comprends pas. Déjà, le truc c'est qu'il a pas retenu sa leçon. J'ai pas l'impression qu'il ait retenu sa leçon de Alien 3, puisque ça l'avait déchiré. C'était son premier film et il arrivait sur une franchise, il comprenait pas, il s'est fait bouffer par les studios et il avait dit plus jamais. Et il arrive, maintenant il fait une suite d'un film, c'est vraiment un gros blockbuster. Voilà. Morgane, un avis. Mais disons, c'est compliqué. Non, mais je suis totalement dans le déni. Je ne sais pas ce qui le motive derrière ça. Moi, j'attendais Fincher sur un thriller qu'il aurait écrit. Oui, voilà. Ouais, mais s'il en a besoin. Hein. Mais j'attendais Fincher sur un. Après Gone Girl, je me dis, il va forcément faire un truc encore plus fou. Il va aller plus loin. Il va faire un. Il fait World War Z2. Bon. et surtout, enfin, moi, je déteste le premier film, mais vraiment. Il est pas bon. Hein. Non, j'aime pas du tout. Et ouais. Surtout depuis. Moi, j'aime bien. Ça me le confirme depuis que j'ai vu Dernier Train pour Busan, tu vois. Me dis que bon, voilà, c'est ce que j'ai pour moi d'un train pour Busan, c'était un World War Z. Limite, j'aurais préféré que ça soit lui qui soit à la tête du remake de Dernier Train pour Busan. Ouais, ça aurait été génial. En plus, David Fincher, les lieux clos, il connaît Panic Room et tout. Enfin, il aurait pu faire plein de trucs. Bon, il fait maintenant, je me dis, enfin, je suis quand même curieux parce que, enfin, j'ai pas trop envie de penser que Fincher est un opportuniste et qu'il pense qu'au fric. Mais bon, là, sur un projet comme ça, après, comme c'est Fincher, alors si on lui laisse carte blanche, qu'il fait ce qu'il veut, Fincher qui est plutôt assez frontal sur la violence, il peut faire un film avec un impact social, politique, tout ça, comme pouvaient l'être les films de Romero à l'époque. Par contre, si c'est un film de studio totalement formaté, mais c'est pareil, c'est pas le même genre de zombie qu'à l'époque, quoi. Ouais, voilà. Non, mais après, c'est même pas, parce qu'on parle même pas de zombies. Enfin, il y a bien un Z dans le titre, mais c'est des infectés, quoi. Voilà, c'est ça, ils courent, à la façon de, bah, comme ils répandent le virus, ils mangent pas les gens. Donc, Oui, comme dans Voiture plus tard, ou même Dernier Train pour Busan, c'était ça. Hein. Donc, moi, à la limite, pourquoi pas, après tout, que ce soit frénétique et tout. Mais bon, je trouvais que le premier était très chiant. Là, après, sur Fincher, je me fais aucun souci sur la qualité esthétique du film. Maintenant, il faut que les studios lui donnent. Bah après, même dans le premier, moi, je me rappelle de scènes qui m'avaient bien. Le premier valait ce qu'il valait. Après, moi, j'avais trouvé ça divertissant, en fait. Mais t'attends pas un film divertissant de Fincher, quoi. Enfin, juste un film divertissant, t'attends quelque chose de plus. Ah oui, non, t'attends plus. Ouais. Bah oui, mais par contre, pas... c'est vrai que moi, dans le premier, ce qui m'avait beaucoup plu dans le premier, c'était au niveau de la mise en scène, c'était les. Il y avait plein de scènes où t'avais des marées humaines, quoi. Mm-hmm. Et c'était. Je trouvais que ça rendait vachement bien. Ouais. Bah, t'avais des espèces de marées de zombies, là, qui s'effondraient complètement, comme des châteaux de cartes. Tu le voyais dans la bande-annonce, d'ailleurs. Ouais. Et c'est vrai que c'est fou, quoi. Enfin, je sais pas, c'est con, hein. C'est peut-être juste parce que c'est humanoïde, quoi. Mais ça m'avait vraiment marqué, ça. D'accord. Ouais. Et pourtant le film est pas ouf et je l'ai même pas en DVD ou quoi que ce soit. Mais... Ouais. Donc Eddie aime quand les humains sont l'un sur l'autre en masse. Mais c'est voilà. Oui. Alors forcément vu comme ça, oui. Non, j'aime quand il se casse la gueule surtout. Ah bon. Non, mais pourquoi pas après Fincher s'il peut le spectaculaire tout ça, parce que finalement ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que Fincher peut faire des bons films de studio. Panic Room était un film de studio. Donc et alors c'est un bon thriller, c'est un même excellent thriller, il avait transcendé le truc en fait. Donc si Fincher de par sa maîtrise, il transcende le truc, OK, mais faut qu'on lui donne les pleins pouvoirs. Par contre, si les studios commencent à lui dire faut faire ça, faut faire ça, puis il faut pas faire ça, voilà, je crois que il faut laisser après, les gens créer. Forcément un cahier des charges aussi, hein. Ouais, il faut pas qu'il mette, enfin pas qu'il oublie de dire oh, je suis David Fincher. Déjà, moi je pensais même pas qu'il y avait une suite au bouquin en fait de World War Z, donc je pensais même pas qu'il y aurait une suite. Moi je pense qu'ils ont pas tout adapté dans le premier, il me semble. Parce que je crois que le bouquin, c'est des histoires d'inconnus, justement. Enfin, c'est des histoires où les personnages, en fait, on change toujours de personnage à chaque chapitre, un truc comme ça. Et en fait, c'est juste l'histoire d'une invasion zombie vue par différents points de vue. Ouais, mais non. S'il faut faire plein de films comme ça, ça va être chiant. Mais par contre, là, comme c'est Brad Pitt à la tête d'affiche, ça va se concentrer sur l'histoire de Brad Pitt, apparemment. Donc voilà. Donc David Fincher, il retrouve Brad Pitt pour son cinquième film du coup, puisqu'il était, il a fait Seven, Fight Club, pour quatrième film, pardon, Seven, Fight Club et Benjamin Button, voilà, c'est ça. D'ailleurs, Benjamin Button qui était aussi un film de studio quand même, enfin un gros film en tout cas, et Millennium aussi, mais ça c'est pas avec Brad Pitt, mais ce que je dis c'est que Fincher a déjà fait des films de studio. Mais voilà, c'est pas ce qu'on attendait de lui, quoi. Surtout pas un World War Z 2, quoi. Enfin, c'est vraiment baisser son attente, enfin son estime, quoi. C'est dommage, je trouve. C'est vraiment dommage. C'est voilà. Mais moi, je pense que ça se fera pas. Je pense qu'il va pas. Je pense qu'il le fera pas. Ouais. Moi, j'ai un doute aussi. Je sais pas. J'ai un gros doute, moi. J'attends vraiment que le tournage soit lancé parce que je sais pas. Hein, ça me paraît très obscur. Le tournage commence premier trimestre 2018, donc on a quand même le temps de voir venir et de voir des conflits éclater. Après, World War Z, le premier, ça avait été un chaos aussi de production, apparemment. Ouais. Et puis en plus, c'est toute la pré-production à faire. Donc là, il y aura le temps de voir les conflits. Je pense pas qu'il soit très motivé pour faire ça. Bah ouais, franchement, quand j'ai lu ça, j'étais vraiment... J'aurais préféré qu'il nous fasse son adaptation de 20 000 lieues sous les mers, ou son Cléopâtre, là, avec Angelina Jolie, faire un Cléopâtre avec Angelina Jolie, maintenant, ça serait ridicule, parce qu'il y aura du whitewashing, ou du je sais pas quoi. En tout cas, enfin, voilà, il a beaucoup de projets qui auraient été plus intéressants que ça, en tout cas, c'est sûr. Passons à la prochaine news, donc... la bande-annonce de La Tour Sombre, donc c'est la saga de Stephen King. On a eu une première bande-annonce avec Idris Elba et Matthew McConaughey. Stephen King, c'est la saga de La Tour Sombre de Stephen King, c'est plus de la fantasy que du fantastique. C'est même s'il y a toujours des éléments de fantastique, mais ça change complètement de l'univers de Stephen King. Je n'ai pas lu, même si je suis très fan des écrits de Stephen King, mais de ce que j'en ai entendu, c'est très bien. Et enfin, tout le monde considère ça comme vraiment son pinacle au niveau de d'écrivain. Donc voilà, pourquoi pas. Mais on a que la bonne annonce. Donc moi, je connaissais pas du tout l'univers, quasiment pas l'univers, juste des images par-ci par-là ou quelques bouquins, voilà. Donc vous avez vu la bande annonce, Morgane, t'en as pensé quoi? Est-ce que tu connaissais déjà? Alors je connaissais deux noms, savais que c'était un projet qui était dans les tiroirs d'Hollywood depuis un paquet d'années, hein. Ouais. Ça faisait un moment, hein, depuis, déjà je me souviens, à l'époque, déjà je crois en 2009, il parlait déjà de, mais ça fait un moment. Donc j'ai vu la bande annonce. Je sais pas, parce que moi j'aime quand Stephen King me raconte une histoire, enfin même si c'est pas lui le réalisateur, mais en tout cas dans ses fictions littéraires, j'aime quand il tend vers l'horreur, quoi. Là, ça a l'air quand même d'être du fantastique pur. C'est plus orienté fantasy et pas horreur. Voilà. Du tout, en fait. Donc. Et est-ce que c'est ça que j'aime dans les œuvres de Stephen King? Bah, je suis pas sûr. Voilà. C'est une version télé, hein, c'est ça? C'est un film. Cinéma, hein. C'est un film. Ah bon, d'accord. Ouais. Ouais. Oui. À la base, devait y avoir, je crois, une série télé, La Tour Sombre, et la série a été annulée avant même d'être. Voilà. Et du coup, il y a une série The Mist, par contre, c'est pas ça? Il y aura. Et le film, pas de série. Bah, il paraît qu'il est bien, mais je vais le revoir parce que je vais le réévaluer, puisqu'il est vraiment considéré comme un chef-d'œuvre. The Mist? J'avais le souvenir de m'être emmerdé d'avoir trouvé la fin. Mais moi aussi, hein. Et alors, bien. Et après, quitte à attendre une œuvre de Stephen King adaptée au cinéma, je préfère attendre largement l'adaptation et pas le remake, parce que ce n'est pas un remake, c'est une adaptation de Hit qui va sortir en octobre, je crois. En octobre. Lui que j'attends énormément, parce que la bande-annonce est juste fabuleuse. Enfin, fabuleuse. Ouais. Voilà. Elle fabuleuse dans l'horaire. Ah, ok. Eddie. Non, j'ai pas vu. En fait, ça m'intéresse pas trop. Ah, ok, d'accord. Voilà. Moi, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup Stephen King. J'ai pas lu La Tour Sombre, malheureusement. Malheureusement, je pense pas que j'aurai le temps de pouvoir le lire, parce que c'est quand même 7 bouquins avant le 16 août. Ah oui, en plus. Oui, c'est vraiment une saga. Donc, le premier volet. C'est le 16 août de cette année? Ouais. Ah oui. Donc, le premier volet condense les 3 premiers tomes de la saga. Donc c'est une histoire, ça mélange western, fantasy et fantastique, et déjà Idris Elba dans la bande-annonce, il est vraiment trop classe, vraiment, moi ça m'intéresse un peu quand même, même si malheureusement j'aurai pas le temps de lire les bouquins. Donc, moi j'aime toujours lire les bouquins avant de voir les adaptations, J'irai quand même le voir au cinéma parce que ça m'intéresse quand même pas mal. Et l'univers a l'air vraiment cool. J'aimerais vraiment avoir cool. ta foi, Axel, sur lire les bouquins. J'ai acheté Ready Player One quand même il y a 3 mois. Hein. Oui, j'ai lu 10 pages. Hein. Ouais, alors, ouais, et alors, je tiens à signaler, parce qu'il nous en a parlé. Ah, mais franchement, c'est formidable, hein, je lis ça super rapidement et tout. 10 pages. Ben, j'ai pas eu la foi de continuer. Du coup, le livre est dans un de mes cartons, là. Oh ouais, non, mais je plaide coupable, je bug sur Miss Peregrine 2. Non, parce que, non, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai, pour ce livre-là, en fait, j'ai adoré les 10 premières pages, côté référence et tout. Néanmoins, je me dis, mais j'ai quand même envie de voir ça au cinéma, plutôt que de le lire. Parce mais ça se trouve, le fait de le voir au cinéma, ça va te motiver. Ouais. Oui. C'est possible. Pourquoi pas, ouais. Ah, mais moi, c'est souvent le cas, hein. Le cas. J'ai pas, Miss Peregrine, c'était ça, par exemple. J'ai vu le film et après j'étais hyper motivé de lire le livre. Et c'est vrai que le premier je l'ai lu. Je l'ai lu en 2 semaines. Chez moi c'est rapide, 2 semaines. Bah non, bah c'est déjà bien 2 semaines pour lire un bouquin. Donc oui, non, mais moi je connais des gens, ils lisent en 3 jours des bouquins. Oui, mais après. J'ai fait quoi? Vous dormez pas la nuit? Vous lisez sous la douche? Enfin, je sais pas. Enfin. Non, ils trichent, ils prennent des audiobooks. Ouais. Ah non, ça m'endormirait moi les audiobooks. Non, c'est trop bien, franchement, moi je. Ouais, mais j'y ai pensé, moi. Ouais. C'est vraiment excellent. Enfin, ça dépend de quelle voix. Hein. Non, mais tu fais autre chose et tu comme ça, tu peux lire un bouquin. Moi, j'ai lu les Millennium, comme ça, les 3. Ah oui, c'est ce que tu étais en train de dire. Non, mais moi, j'ai un bouquin en audiobook et j'en lis un autre en même temps. Ah, non, non. j'ai pas un cerveau qui permet de faire ça, tu vois. J'aimerais bien, hein, mais c'est pas le cas. Donc voilà, non, ce que je voulais dire, c'est que l'univers de la Tour Sombre me plaît énormément. Et j'attends, l'inspiration King dans un univers plus fantasy, comme ça, ça a l'air vraiment super, super cool. Donc pourquoi pas. Moi, je l'attends beaucoup, en tout cas. C'est une de mes plus grosses attentes de cet été. Et cet été, franchement, il y a des films. J'ai espoir en cet été. Alors, l'été dernier. T'as espoir en l'été de qui? Non. L'été 2017. En cet été. L'été 2017, j'ai de l'espoir. Parce que l'été 2016 était vraiment mauvais. Hein, on va pas se le cacher, à part 2-3 films. C'était vraiment pas ça. C'est plus ce qu'il y avait en 2016. Non. Oui, voilà. Non, mais quand on avait fait le hors-série sur l'été 2016, c'était vraiment pas la joie. Oh, ouais. Et ouais, tu te rappelles, Morgan? Ouais. Bah, l'été 2016, ça a été. C'était une catastrophe. Ouais, franchement. À part Busan, voilà, putain, il y a pas grand-chose. Et 2015 aussi, hein, était pas fameux. Hein. Ouais, voilà. Franchement. Il y a eu Jurassic World. Bah, il y a eu Jurassic World, il y a eu Spy me concernant, il y avait eu Mission Impossible 5, heureusement. Ouais, voilà. Mais alors, L'été 2015 était quand même un peu mieux, hein, mais. Ouais. 2016, c'était vraiment. 2016, affreux. Surtout qu'il y avait de la place affreux. Pour tous les films, il y avait Conjuring 2, ouais. Il y avait. Que j'ai pas aimé, il y avait. Ah, bah si, Suicide moi j'avais Squad, bien aimé Conjuring 2. Il y avait Suicide Squad et tout qui a été. Voilà, enfin. Bon. Il y avait tellement, enfin, il y avait de la place pour tout le monde. Heureusement qu'il y avait Camping 3. Putain. Bref, voilà, tout ce que je voulais dire, c'est que j'ai confiance pour l'instant. Je remettrai cette phrase au début du podcast hors série de l'été 2017 si cet été n'a ah ouais, mais... pas été. Il y avait Dory, il y avait. Non, mais. Après, c'est juin. Est-ce que juin, on en était? Moi, je considère vraiment été comme. Allez, on va dire juillet-août, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Mais on verra, mais en tout cas, voilà, j'ai foi. On passe à Dunkerque, aussi un film d'été qui sortira le 19 juillet. On a une nouvelle bande-annonce qui raconte un peu plus d'histoire, on voit plus de personnages aussi. on voit plus de personnages donc, et d'acteurs. On retrouve Tom Hardy, Cillian Murphy, mais aussi... Anne-Rin Barnard, Harry Styles des One Direction, Mark Rylance et Kenneth Branagh aussi. Bien sûr, il y aura pas mal d'acteurs puisque c'est une fresque historique sur la Seconde Guerre mondiale, donc voilà. 19 juillet 2017, sortie. Cette bande-annonce raconte beaucoup plus. Eddie, tu l'as vu, t'en as pensé quoi? Oui, du coup, je l'ai vu et... Mais ça reste comme d'habitude, moi avec Nolan, je en fait ouais, ça me laisse un peu pantois, mais par contre, c'est vrai que c'est très beau. Visuellement, je pense que ça va être assez fou. La photographie est magnifique. C'est très sépia. Ouais. Quand je suis sorti de la bande-annonce, enfin quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit ouais, c'est très, enfin il y a le filtre sépia qui est appliqué sur l'image. Non, c'est très beau hein, mais ouais. Oui, donc c'est tout enfin. Bah c'est, oui, ouais, voilà. D'accord. Maintenant, j'attends de voir. Morgan. Alors, moi, je n'ai pas regardé la bande-annonce parce que je me préserve un maximum maintenant des bandes-annonces. Enfin, si vous voulez, quand je sais que j'attends le film, je regarde la première bande-annonce pour avoir un petit aperçu de voilà de ce que ça va raconter. En effet, Eddie, on va dire les coulisses, on parlait de l'été, et c'est vrai qu'heureusement qu'il y a eu Independence Day. Non, en fait, je suis en train de regarder les films qui sont sortis dans l'été 2016. Il y avait Ghostbusters, il y avait Independence Day 2, Independence Day 2 et Camping 3, voilà, heureusement. Non, mais alors moi, Independence Day 2, non, mais par contre, ouais, je pense à mon collègue. Voilà, c'est ça. Non, mais moi, voilà, moi, Independence Day 2, c'était fifou. Mais pour revenir sur Dunkerque. En même temps, Nolan, Roland Emmerich, c'est la même chose. J'ai pas envie, je plaisante évidemment. J'ai pas envie d'en voir plus. Je sais que j'attends le film, je sais que j'irai le voir, et je me préserve un maximum, même de l'intrigue en elle-même. Je sais pas trop. On en a eu un peu plus. Film va me raconter. Ouais, mais j'évite. Ouais. J'évite un maximum parce que c'est ce que j'ai fait pour Interstellar, d'ailleurs à l'époque. Ouais. Bon, j'avais pas aimé le film. Ça a bien marché, hein. Non, j'étais fatigué. J'avais attendu toute une journée pour voir Nolan et tout. Enfin, c'était horrible, quoi. Donc bon. Et là, je pense que voilà, mieux vaut que je me préserve un petit peu. J'attends le film, j'irai le voir. J'ai pas besoin de 20 bandes annonces, quoi, pour avoir envie. Oui. Ouais, donc voilà, moi personnellement je la trouve ça a l'air beau déjà visuellement, comme d'habitude chez Nolan, j'ai envie de dire, il nous habitue à ça. L'histoire, c'est en même temps, il va pas pouvoir faire des twists à la Inception à la fin, hein. c'est un peu comme c'est un bio, enfin c'est pas un biopic, mais c'est un film historique, voilà. Il peut pas vraiment faire de rebondissements. Mais je l'attends plutôt assez, mais je suis quand même réservé. Je sais pas, cette bande annonce m'a pas non plus hypé de ouf. C'est comme Eddie en fait. C'est les bandes annonces chez nous. Enfin, si Interstellar m'avait beaucoup hypé, mais là sur ce film, les bandes annonces m'intéressent pas tellement. Alors je suis quand même impatient d'aller le voir au cinéma pour voir les surprises qui me réservent. On verra bien. Voilà. On va passer à un reboot prévu d'Hellboy, mais cette fois-ci sans Guillermo del Toro et avec un tout nouveau casting. Donc ça a été annoncé, Guillermo del Toro avait annoncé le 21 février dernier qu'il avait parlé avec toutes les parties intéressées pour faire Hellboy 3 et que il y avait 100% de chance que ça ne se fasse pas. Donc il avait voilà. Ça a été rapporté par le Hollywood Reporter que le studio est actuellement en train de préparer un reboot avec une toute nouvelle équipe et sans Guillermo del Toro et sans Ron Perlman qui incarnait Hellboy dans les deux premiers. Donc voilà, pour l'instant on a un réalisateur, donc Neil Marshall, qui a surtout fait de la télévision, donc Westworld et Constantine ou des trucs comme ça. Et en star principale, on aurait David Harbour, qui est l'une des stars de Stranger Things. J'ai pas vu Stranger Things, donc je ne sais pas qui c'est. C'est qui dans Stranger Things? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Ça me parle pas comme ça. J'ai pas vu Stranger Things, donc. Moi j'ai vu, mais ça me dit rien du tout là. Ben oui, ça me parle pas non plus. David Harbour. Et t'as pas vu toi, Axel, pourtant ça te plairait, je pense. Je sais que ça me plairait, mais j'ai beaucoup de séries à regarder. Je vous envoie le lien, mais voilà. Ah, c'est le shérif. Ah, ok, d'accord. D'accord. Okay. Oui, bah c'est le héros, quoi. Ouais. Donc, voilà, un nouveau Hellboy sans Guillermo del Toro, sans Ron Perlman. Moi, personnellement, j'ai vu le premier il y a très longtemps. Et j'en ai pas beaucoup de souvenirs, et j'ai pas vu le deuxième non plus, donc j'ai pas trop d'avis. Enfin, je suis un peu déçu pour Guillermo del Toro et Ron Perlman qui apparemment voulaient vraiment le faire, mais donc apparemment ça se fait pas au niveau du studio, puisque peut-être que le 2 n'a pas été aussi rentable qu'ils espéraient. Donc voilà, Morgane, est-ce que tu as vu les deux premiers et est-ce que ça t'a plu? J'ai pas vu les deux premiers, donc je sais pas si ça m'a plu et si ça me plairait, et j'ai pas vraiment envie de les voir, franchement. C'est pas des films qui me tentent. Mais je pense que c'est une connerie de ne pas prendre Guillermo del Toro et Ron Perlman, quoi. Je pense qu'Hellboy, c'est, voilà, si Hellboy est même la, est même aussi la tronche, apprécié. Ceux qui n'ont pas vu le film, ils voient la tronche. Voilà, Hellboy, on connaît, voilà. Donc, je pense qu'il fallait prendre, mais donc le film, je pense, pour moi, est voué à l'échec. Même ceux qui fantasmaient depuis des années que Ron Perlman et Guillermo del Toro retravaillent ensemble, je pense qu'ils vont désapprouver le film avant même qu'il soit lancé. Donc le film est voué à l'échec, donc perdez pas votre argent. Au pire, donnez-le moi, il serait bien utilisé, quoi. le projet, en tout cas, le plus dur, la tâche la plus dure à faire, c'est de convaincre les fans d'aller voir un film, alors qu'ils attendaient une suite depuis des années, quoi. Donc je trouve ça un peu dommage. Eddie? Ben, en fait, c'est comme Morgan, j'ai pas vu les premiers et en fait, ça m'intéresse pas, en fait. D'accord. C'est pas des univers qui m'attirent. Ok. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais bon, on verra bien ce que ça donnera. On passe à Blade Runner, donc la suite, Blade Runner 2049, la suite de l'original de Ridley Scott, cette fois-ci réalisé par Denis Villeneuve, qui a récemment réalisé Premier Contact. Une bonne annonce. Et pas que ça. Oui, mais je disais récemment. Mais... Oui, le dernier est sorti, oui. Voilà, le dernier sorti. Il faut que je le voie encore. Sicario, oui, Premier Contact, franchement, voilà, c'est excellent, vraiment. Sicario, Prisoners, Enemy, voilà, donc voilà. On sait ce que t'en penses. Une nouvelle bande-annonce, cette fois-ci avec Ryan Gosling. On retrouve aussi Harrison Ford dans son rôle de Rick Deckard qu'il avait interprété en 1982 pour Ridley Scott. Ridley Scott produit le film, par contre. Donc voilà. Morgan, tu as vu la bande-annonce? J'ai vu la bande-annonce sans avoir vu le premier. Parce tu l'as pas vu le premier, tu vois? J'ai pas vu le premier, mais vraiment, j'ai vraiment peur de me faire chier devant ce film et du coup qu'on me juge après. Et voilà, et qu'on me dise après, ah, tu aimes bien Indépendance des deux, et puis t'aimes pas Blade Runner. Comme moi, on peut me dire, ah, t'aimes bien Jurassic World et t'as pas vu Blade Runner. Voilà, donc après. Moi, on peut pas me le dire. Je pense que ce serait bien que je le voie, parce que voilà, pour me rappeler que Ridley Scott peut être un bon réalisateur, parce qu'Alien Covenant, c'est pas ça du tout. Donc je le verrai de toute façon. Ouais, parce que tout le monde crache sur la gueule à Tim Burton, mais Ridley Scott, il est pas mieux, hein. Il arrive Martian. À revenir parce que Martian. Seul sur Mars ça a oui. tout le monde d'accord. Oui, bon, c'est vrai, oui. Ouais, oui. Mais Alien Covenant, on sait pas ce qui s'est passé dans sa tête, il y a eu un problème. Je le verrai, mais en attendant, quand j'ai vu la bande-annonce du 2, là où tout le monde était assez unanime, tous ceux qui ont vu le premier d'ailleurs, trouvaient ça magnifique, je me suis dit, c'est beau tout ça, mais je m'en fous, parce que je n'ai pas vu le premier. Mais ça me donne quand même envie, et puis Denis Villeneuve a quand même fait en 2016, l'année dernière, un des films SF ultimes avec Arrival. Clairement. Donc, je pense qu'il est capable de proposer quand même un truc de très intéressant et voilà, il a un truc, voilà, j'aime son cinéma et d'ailleurs avec le recul je trouve Sicario un peu chiant. Ouais, voilà. Parce que, non mais voyez, j'ai juste tombé sur Prisoner il y a pas longtemps, Arrival aussi j'y repense. Mais Prisoner c'est très efficace. Hein. Ah mais Prisoner c'est magnifique, non, j'ai adoré ce film. C'est très Fincher, c'est vrai, il y a beaucoup d'influence, mais c'est, je trouve ça très efficace. Parce que, en fait, pour moi, l'exploit de Prisoner c'est d'être aussi efficace qu'un Fincher. Ouais, clairement, voilà. clairement. Et rien que ça, en soi, c'est une qualité déjà. Ah oui. Morgane, tu disais? Je disais que ça m'a donné quand même envie de voir le film, mais pour ça, il faut que je passe automatiquement par Blade Runner, le premier du nom, quoi. Mm-hmm. Puis bon, ça peut pas me faire de mal pour ma culture cinématographique. Mais tu peux aimer, hein, Morgan. Oh oui, je sais que je peux aimer, mais après, vous savez, c'est comme 2001 Odyssée de l'espace que j'ai pas osé voir, enfin, revoir, retenter. Je me dis, si j'aime pas, là, s'il y a bien un film à ne pas aimer, c'est celui-là. Ouais. Donc, et j'ai aimé. Quelle chance. Ouais. Mais Kubrick, c'est particulier, hein. Enfin, il y a plein de monde qui n'aime pas 2001 l'Odyssée de l'espace, et franchement, c'est compréhensible. Hein. Franchement, ouais, Durandal, et vous voyez comment on le traite. Donc, bon. Oui, non, mais, oui, mais t'as vu, les goûts de Durandal derrière. J'avoue, j'aurais pas mis alors qu'il l'a fait. Parce que toi, à la limite, t'aimes pas trop 2001, mais t'as pas pleuré devant Lucie. Mais non, mais il aime 2001. Donc, j'ai adoré 2001. Mais oui, il a adoré 2001. Ah, c'est un chef-d'œuvre. C'est bon, alors. Mais non, mais je l'ai revu. Non, parce que je l'avais tenté une fois et je m'étais un peu endormi. Il était 1h du matin et j'avais posé mon forcément. Oh, voilà. Et je l'ai revu. Le gars, il va voir Interstellar après une journée de train. Il regarde 2001 à 1h du matin. Forcément. Voilà, tu t'attends à quoi? Et c'est pour ça que je disais, ouais, Kubrick, mais non, parce qu'après j'ai eu envie de voir Ace White Shot, et Ace White Shot sublime. Ah oui. Et donc, du coup. Après, voilà, tu regardes Barry Lyndon à 2h du matin. C'est... Barry Lyndon, faut s'accrocher. Hein. Ouais, je pense pas que ça va passer, ouais. Barry Lyndon. Je pense que je n'aime que le générique. Voilà. Mais voilà, comme à chaque fois chez Kubrick d'ailleurs. Mais moi je le dis, hein, Orange Mécanique, je l'ai en DVD, mais je pense pas le revoir. Ouais, ouais, moi c'est pareil, Orange Mécanique, c'est pas le film qui me... mais en tout cas... C'est pas que c'est pas bien, mais je trouve qu'aujourd'hui, en fait, c'est un peu obsolète. Ah, ouais. Ah ouais. Oui. Oui. C'est ça aussi le risque quand tu fais des films d'anticipation. Oui, mais voilà, c'est un univers à part, c'est complètement... Enfin, bon, voilà, je l'ai jamais caché que c'était un de mes films préférés, même si... Ouais, le deuxième même, de tous les temps. Mais non, ouais, je peux comprendre qu'Orange Mécanique, enfin, comme tous les Kubrick, hein, d'ailleurs. Hein. Même Shining, ouais, je peux comprendre que ça plaise pas. Ah, mais Shining, je m'en lasse. C'est quand pas. Même le plus grand public, mais un des films les plus grands publics de Kubrick, mais c'est quand même assez space. Hein, c'est quand même. Oh, pas le plus grand public de Kubrick, non, c'est peut-être. Spartacus. C'est, quoi, ou... c'est Shining, Spartacus, c'est Full Metal Jacket, je pense. Ouais, ouais, et Full Metal encore. Encore. Oui, non, mais je veux dire, au niveau accessibilité, voilà, c'est ça, par rapport aux autres. Par rapport aux autres. Même si dans Shining, t'as plein de niveaux de lecture différents, mais. Ouais. De prime abord, voilà, il pète un câble et c'est tout, quoi. Oh, d'ailleurs, petit point Kubrick, spontanément, votre Kubrick préféré, c'est quoi? Ah, 2001, moi je dirais quand même. Orange, ouais. Orange, mais. Moi je dirais Ace White Shot. Et après, je dirais. Que... 2001 et après je dirais Shining. Ouais, c'est Orange, 2001, Shining. Pour les trois, voilà. Et après ce serait Ice White Shot, 2001, Shining. Voilà. Ah oui. Ice White Shot, pour moi, c'est... Enfin, je pense, le dernier plan d'Ice White Shot, c'est pour moi magistral de terminer sa vie, sa carrière par ce mot-là. Par c'est ça, en fait. C'est Thrill le Rambo aussi. Ah, putain. Ouais, ouais, ouais. Je dirais à Tom, quoi. D'ailleurs, les bonus sur le DVD sont assez déchirants parce que, bah, du coup, c'est des bonus qui ont été réédités. Ouais, voilà, c'est ça. Aussi, certains qui ont été réédités, et du coup, bah, c'est vrai qu'il y a forcément le. Enfin, Kubrick est décédé en début 2000, donc c'est quand même pas si vieux que ça non plus. Et c'est vrai que. Et c'est vrai que du coup, bah, Nicole Kidman, tu vois que ça lui. Elle a la gorge serrée et tout quand elle parle, donc bon, bah, c'est oui. assez. Ouais, voilà. Tout ça pour Kubrick. Parler de Blade Runner. De Blade Runner. Point Kubrick, voilà. Donc... Mais on peut toujours faire des points Kubrick, ça. Bah oui, bah ça c'est obligatoire, on va dire. Il les mérite. Exactement. Eddie. Bon, de quoi, Kubrick ou Blade Runner? Blade Runner. Alors, moi j'ai vu le premier. Ouais, tu t'es fait chier. Ouais, parce que Eddie, il est perdu là. On parle de Kubrick. Ah non, mais moi il y a trop d'informations à gérer là. Mais non, mais comme quoi, vous voyez, Blade Runner, Kubrick. Enfin, on a. Attendez, je vais. Blade Runner a été fait après 2001. Oui, ah oui, largement. Oui, donc du coup, oui, parce que Blade Runner, il y a certaines personnes qui ont dit qu'il avait des influences Kubrick aussi. Donc. Oui, bon, en même temps, ouais, après tous les films SF un peu philosophiques. Star Wars a des influences Kubrick, voilà, aussi. Ça, hein. Ah oui. Bah oui, quand même. Enfin, tu le vois, 2001, tu mets 2001 et le Un Nouvel Espoir, il y a quand même beaucoup de similitudes. Hein. Visuellement, en tout cas. Ouais. Alors moi, Blade Runner, je l'ai vu. Tu t'es fait chier. Hein? Tu t'es fait chier. Alors. J'ai trouvé ça formidable, vraiment, sur le fond, la forme, visuellement, tout ça, Harrison Ford est impeccable et tout, mais par contre, c'est vrai que je me suis ennuyé. Ouais, je peux comprendre. Voilà. Ouais. Mais par contre, c'est sûr, c'est formidable, hein. c'est très intéressant, le propos et tout, il y a rien à dire, c'est magnifiquement écrit, tout ça, mais par contre, c'est vrai que c'est pas un univers qui m'a touché, quoi. Mais objectivement, je peux pas dire que c'est mauvais, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Et du coup, est-ce que tu attends un petit peu cette suite ou pas du tout? Non. D'accord. Mais la bande-annonce, pareil, elle est très belle, hein, visuellement, tout ça, c'est cool. Ouais. Après, Jared Leto, je suis pas convaincu, mais... Ouais, c'est un peu le point. Voilà, mais je pense que ce sera sûrement une bonne suite. Et après, moi, c'est vrai que hormis Prisoners Non, j'aime pas Ennemi. Non, oui. C'est lequel autre que j'ai vu? Je crois que si, c'est Ennemi. Mais hormis Prisoners, que j'aime beaucoup, et c'est vrai, j'arrive plus à parler. Et non, on va y arriver, on va tous les faire, donc on va y arriver. Premier contact que je n'ai pas encore vu, mais qui me tente. C'est vrai que Sicario. Non, j'ai pas vu. Ouais. Mais c'est vrai que c'est Denis Villeneuve, c'est pas un cinéaste qui me. Ennemi. Non, mais on l'a déjà dit, j'aime pas Ennemi. Ah bon, d'accord. Le mec, il goûte pas, tu sais. Non. Ennemi, t'es sûr? Non. Donc, non, je n'aime pas Ennemi. J'en ai suffisamment parlé dans mon premier podcast. C'est nul, ce film. Pas du tout, c'est vraiment nul. C'est un scénario qui tient sur un post-it et on met plein de dialogues de références pour faire genre c'est intelligent, alors que c'est juste. Mais. Oh là là, ça m'énerve. Oui. Merci, Morgane. Bon. C'est de la psychologie de comptoir, voilà. Donc, t'en peux spécialement. Mais après, je suis ravi pour ceux qui l'attendent, c'est vrai que ce sera sûrement très bien. Ouais. Donc, moi, personnellement, j'ai vu le film il y a très très longtemps, je crois que j'avais 10 ans, donc je me souviens plus beaucoup du film, et surtout c'était pas pour moi à cette époque. Par contre, moi, personnellement, je suis un fan absolu du bouquin de Philip K. Dick qui a inspiré le film. Pour moi, c'est le plus grand bouquin de science-fiction jamais écrit. Vraiment, ouais, mais vraiment devant 2001, devant machin, enfin voilà. C'est, pour moi, il y a Le Seigneur des Anneaux et Blade Runner. Donc, voilà. Ah ouais. Enfin, et la pour Bible. Parler. Oui, ça c'est en dessous, mais on n'en parle pas. Non, je rigole. Hein. Donc voilà, Blade Runner, moi j'aime énormément le bouquin, je l'ai relu au moins 5 fois, et il m'obsède, parce qu'il y a plein de thèmes abordés qui sont géniaux. De toute façon, tout ce que Philip K. Dick écrit... C'est formidable, hein, Morgane, quand on aime lire, quand même. Ouais, j'adore. Parce que là, on sent qu'Axel, il est passionné et tout, c'est vrai que moi, j'arrive pas à ressentir tout ça devant un bouquin. Moi, la lecture, c'est laborieux, hein. je me force. Hein. Et c'est pas que c'est pas intéressant, mais j'ai du mal à avancer. Dans les livres. Ouais, bon, bah. C'est-à-dire, moi, je compte le nombre de pages qui me restent avant de finir un chapitre. C'est triste, hein. Mais après, c'est peut-être parce que le bouquin t'intéresse pas. Mais si! C'est ça le pire, c'est que Miss Peregrine, c'est super intéressant, mais j'arrive pas à avancer. Ouais. Et pourtant, c'est le même style de lecture que le premier et tout. Mais ça se trouve, enfin, si je vois la suite un jour, si elle se fait, peut-être que je serai motivé, mais. Non, mais je peux comprendre, j'étais comme ça quand j'étais un peu plus jeune. Parce que là, je l'ai commencé au mois de décembre, hein, quand même. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Et c'est j'en vrai suis que... au cinquième chapitre, quoi, sur 13, je crois. Voilà. Bah ouais, mais après, ça, moi je lis à différentes vitesses aussi. Hein. Là, en ce moment, je lis pas du tout. Bon, en même temps, c'est parce que j'ai des examens, etc. Mais il y a des périodes où je lis pas du tout, où je regarde que des films, ou alors il y a des périodes où je regarde pas de films, où je lis. Mais moi, je crois que l'envie de lire me prend tous les 2-3 ans, quoi. D'accord. Bah oui, mais après, c'est une envie, hein. Ça dépend des personnes, j'ai envie de dire. C'est vraiment un truc très personnel, je pense. La lecture, c'est vraiment un truc extrêmement personnel. C'est plus personnel que le cinéma ou quelque chose comme ça. C'est comme t'es tout seul devant ton bouquin. Et je pense que j'aurais pas internet, j'y lirais beaucoup plus. Ouais. Le problème, c'est que je lis beaucoup sur internet. Ouais. Et peut-être que j'ai un quota de lecture dans la journée. Et du coup, je l'atteins toujours avant de lire le soir tranquille dans mon lit. D'accord. Quoi. Donc, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Blade Runner, le premier de Ridley Scott, ça fait très longtemps que je l'ai plus vu et j'ai oublié tout. Enfin, j'ai beaucoup oublié. Il y a quelques images qui restent quand même en tête, mais j'ai vraiment envie de le revoir puisque, comme j'adore le bouquin. J'ai découvert plus tard, hein, bien sûr, le bouquin. C'est vrai que l'univers visuel est assez dingue, hein, ça c'est clair. Visuellement, c'est... Ah bah, c'est oufissime, c'est vraiment bien. Ça et ça vieillit bien, aussi. Surtout. Ouais, bah oui, c'est vrai. Enfin, même de ce qu'on voit, parfois des images, ça reste impeccable encore, même à cette époque. Et donc, dans cette bande-annonce, on voit vraiment des décors, vraiment, ça respecte l'ambiance et l'univers du premier. Donc ça a l'air vraiment sympa. Après, Ryan Gosling, pourquoi pas, Il a réussi à me convaincre dans La La Land parce qu'avant c'était vraiment pas ça. Donc voilà, à voir s'il reste encore silencieux les trois quarts du film. Je pense que Ryan Gosling, il y a vraiment, c'est vraiment la direction d'acteur hein, parfois qui doit faire. Ouais, parce que La La Land, on sent qu'il est plus libéré, plus. Ouais, plus inspiré déjà. Et puis bah, après, il a un rôle peut-être moins complexe aussi. Et ouais, voilà, peut-être aussi. Parce que c'est un pianiste, etc. Enfin, c'est un musicien, donc. Il a pu se retrouver peut-être dans le personnage, je pense, c'est pour ça. Mmh. Et par exemple dans Drive, enfin voilà. Bon après c'est peut-être le personnage qui fait ça, mais moi je mais oui, mais pas. Dans Drive c'est voulu, mais. Ouais, je supporte pas, c'est pas possible. donc voilà, Ryan Gosling, ça dépend des films, donc pourquoi pas dans celui-là. Harrison Ford, ça fait toujours plaisir de le revoir. Enfin voilà, on le voit un petit peu dans la bande-annonce. Je sais pas le quota d'apparition à l'écran qu'il aura, mais en tout cas, on verra bien. Il y a aussi Dave Bautista qu'on découvre dans le film. Enfin, Drax dans Les Gardiens de la Galaxie, pardon. Dave Bautista, ouais. Oui, Bautista, c'est son vrai nom. Bautista, ouais. C'est le catcheur, lui, non? Oui, Batista, c'est un catcheur. Enfin, c'est son nom de catcheur, on va dire. Voilà. Oui. Le film sortira le 4 octobre. Moi, je verrai le premier. Enfin, je reverrai le premier du coup avant. Je verrai celui-là au cinéma sûrement parce que un film de SF comme ça, aussi ambitieux. Mais moi, je te le conseille, hein, Morgan. Ouais. Why not? Non, mais c'est noté, hein, je suis ouvert. Après le retour du roi, mais je te le conseille. Les thématiques abordées sont vraiment excellentes. Hein. Ça interroge sur la séparation de l'homme et de la machine, etc. Enfin, c'est vraiment des thématiques qui restent encore très. Ça m'a beaucoup fait penser à une version très adulte. Et encore, c'est un peu éloigné de AI. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut voir des films. Il y a des liens, je trouve. Ouais. Et AI, d'ailleurs, film de Kubrick à la base. Eh oui. Voilà. Donc, on fait le cercle en entier. Voilà. Donc, 4 octobre, on verra bien ce que ça donnera. On passe. Ex Machina aussi un petit peu. C'est vrai. C'est vrai que ça. Il y a un peu des. Enfin, il y a des inspirations visuelles très très marquées, je trouve. Mm-hmm. Donc on passe à la prochaine news, une news assez triste, on va dire. C'est quand même donc David Lynch qui a fait la promo de Twin Peaks saison 3. Twin Peaks que je n'ai jamais vu d'ailleurs et que tout le monde me rabâche les oreilles et que je devrais voir. J'ai pas la foi de continuer. D'accord. Ah bon ? Mais apparemment c'est très bien. C'est bien. Alors en fait, si vous voulez, alors David Lynch a quand même dit que la saison 2 était ratée et beaucoup s'accordent à le dire. Parce qu'en plus, il y a un gros problème, c'est que la saison 1, je crois, il y a 13 épisodes, et la saison 2, il y en a 25. Donc ouais. Déjà, ouais. Et on apprend le nom du coupable, enfin, du meurtrier dans la saison 2, donc voilà. Mais il y en a beaucoup qui ont adoré la saison 1, et qui m'ont dit, par contre, la 2, faut s'accrocher. D'accord. Et j'avoue que j'ai pas la foi de continuer, donc surtout que j'ai été un peu spoilé de l'intrigue, okay, donc d'accord. Du coup, je me dis que... Et d'ailleurs, pour ceux... détail important, ceux qui veulent commencer Twin Peaks, ne regardez surtout pas le film. Ouais, apparemment il explique voilà. Tout en fait. Ouais. Il explique tout, donc on sait. Enfin voilà, faut voir la série avant de voir le film. On a beaucoup. Et le film, il est de David Lynch aussi. Oui, il est aussi David Lynch. Voilà, c'est mais ça. Mais je crois qu'il est sorti après la série. Il est sorti après la série, donc ouais. Du coup, il spoilait bien des éléments de la série, et il y en a plein qui commencent par le film avant de voir la série, et non, ouais, c'est, bah oui, c'est grossière, monumentale erreur, comme dirait Jack Slater. Faut pas faire comme avec La Planète des Singes, faut regarder la série. Oh putain, non, la série, faut pas la regarder par contre. Parce que oui, c'est vraiment, c'est pas c'est bon vraiment, du tout. Ouais, c'est vraiment pas bon. Donc voilà, David Lynch, qui pendant la promotion de Twin Peaks saison 3 d'ailleurs, qui revient, a annoncé qu'il arrêtait le cinéma et que pour lui, en fait, les films, il y a beaucoup de films en ce moment, énormément de films qui sortent, et que ça marche pas au box-office, et même si le potentiel est bon, en fait, de ces films. Après, le problème, c'est qu'il a jamais réussi à réitérer non plus l'exploit de Mulholland Drive aussi. Hein. Ouais. Oui, clairement. Et d'autres films aussi. Et il disait aussi, dans le même temps, ce qui fonctionne au box-office, ça correspond pas à ce que je fais. ce qui est clairement le cas. Non mais c'est donc... clair, de toute façon il est complètement, enfin il a toujours été en marge hein, David Lynch. Donc... Oui, mais là encore plus en ce moment. Et donc ses plus gros succès, c'était Elephant Man, en tout cas succès en France, box office Elephant Man, Dune et Mulholland Drive. Voilà, donc David Lynch s'écarte du cinéma, c'est quand même une mauvaise nouvelle je trouve, personnellement. Parce que il est quand même hors du commun et il fait des films que personne d'autre ne fait. Donc, franchement, ça ferait du bien de voir un nouveau David Lynch au cinéma, mais malheureusement, apparemment, ça va plus être le cas et je trouve ça un peu dommage. Morgan, toi, je sais que tu adores, c'est quoi, Mulholland Drive ? Mulholland Drive, qui est un de mes films préférés, et j'adore aussi Elephant Man, qui est tellement magnifique. Ah oui. Donc, qu'il arrête le cinéma, au final, ça me touche pas trop, parce que son dernier film, c'était Inland Empire. Inland Empire, ouais. Et ça date, maintenant. Et ça date, donc du coup, bon, est-ce que j'attendais le retour de David Lynch ? Pas vraiment. Non, on l'attendait pas, mais. Voilà, même là, pour Twin Peaks, je suis pas excité du tout par. Voilà, parce que je vous l'ai dit pour la série. Mais. Après, comment dire, je suis pas touché, c'est dommage. Après, vaut mieux qu'il parte en ayant, on va dire, entre guillemets, peu de films, plutôt qu'il fasse le film de trop et puis qu'il y a plein de réalisateurs qui reviennent après des années d'absence, on va dire, dans le domaine. Mm-hmm. Voilà, il y a d'autres réalisateurs où ça me ferait un peu plus de peine. Par exemple, Sam Raimi, j'attends carrément son prochain film. J'espère qu'il va refaire un film un jour, parce que son dernier film, c'était Le Monde Fantastique d'Oz, quand même. Et que j'avais adoré. Voilà, j'ai adoré ce film. Pour moi, c'est que t'aimes pas le monde, le magicien d'Oz, quoi. J'aime pas parce que le monde fantastique d'Oz, c'est un Evil Dead 3 pour les enfants. Et mais totalement. Mais non mais c'est vrai. Non, attendez, on va me prendre pour un fou. Comparaison de merde. Mais c'est pas une comparaison de merde, c'est des faits prouvés. Je vous assure, la bataille finale des. C'est des faits prouvés. C'est le mec qui l'a mené son expérience. Non, mais c'est mon analyse à moi, et franchement, il y a tout ce qu'on voit dans la scène, la bataille finale d'Evil Dead 3, c'est la même que dans Le Magicien d'Oz. Ah bon? Tout comme je considère que, oui, c'est dans la même Magicien chose. D'Oz, dans le monde de Magicien d'Oz. Je suis pas bon pour argumenter, j'ai pas vu un seul Evil Dead, donc forcément. Ah voilà, mais Evil Dead, et je considère d'ailleurs qu'Evil Dead était une franchise de super-héros avant l'heure. Voilà, ouais, mais clairement. Parce que pour moi, parce que Ash, sa fille, instant Sam Raimi, pour moi Ash, qui est un personnage, un héros, il le ridiculise, il l'iconise, il le fait, enfin voilà, il en met plein la gueule pour à la fin l'iconiser. C'est exactement ce qu'il fait avec Peter Parker justement. Et dans Evil Dead 2, qui est justement le film de transition et tout, où Ash prend toute sa supériorité, ses pouvoirs, où il développe ses pouvoirs, c'est vraiment un reflet de ce parce qu'il c'est a des Peter pouvoirs. Parker. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, Evil Dead 1, c'est un film à peu près sérieux. Parce que pour moi, Evil Dead 1, ça avait toujours été un film d'horreur, quoi. Oui, alors Evil Dead 1, en fait, si tu veux, ça a été fait parce qu'à l'époque, il voulait percer le genre fédérateur, c'était le film de genre. Donc, il a fait un film appliqué. Evil Dead 2, c'est limite un remake du premier. En fait, c'est un remake barré du premier. Un remake, c'est le Evil Dead tel qu'il voulait le faire. Donc au final, Evil Dead 3, c'est Evil Dead 2, si tu veux. Voilà, moi, j'ai jamais vu parce que j'avais peur que ça soit trop gore pour moi. Le premier, il fait peur quand même. Le 2, un petit peu, mais... c'est gore marrant. C'est un délire. Et le 3, une armée de squelettes qui font de la flûte traversière avec des os, c'est énorme, quoi. Ah bon? Le 3, c'est une comédie horrifique, on va dire. Et le 2 aussi. Le 2 avec la main qui bouge toute seule, ou la maison qui rigole avec vous savez les têtes de cerf sur les murs qu'on voit chez nos grands-parents des fois, la tête de cerf qui se met à avoir un fou rire, la maison qui a un fou rire, c'est loufoque et tout. Et justement Ash, il est dans Evil Dead 2, il est ridiculisé en permanence, il se fait malmener, il se prend des coups partout et tout, et à la fin il devient une figure iconique comme Peter Parker, quoi. Quand il se met à tomber à chaque fois qu'il veut voler et tout, il se casse la gueule. Enfin, pour moi Evil Dead, c'est un film de super-héros clairement. Donc voilà. Et Le Monde Fantastique d'Oz, quand on aime les Evil Dead de Sam Raimi, c'est un film assez personnel finalement, mais en même temps un film de studio, il a un peu transcendé le genre. Voilà pourquoi. Mais pour en revenir à David Lynch, bon, S'il avait fait encore un, si son dernier film par exemple c'était Mulholland Drive, tout ça, bon, j'aurais dit pourquoi pas. Maintenant, je pense que bah il est pas tout jeune, hein, le monsieur, donc je pense qu'il a envie aussi de voilà de s'éloigner un peu. Donc Il y en a qui s'arrêtent pas, hein. Tu mets Clint Eastwood. Voilà. Bon, après on voit le résultat. Bah, Sully c'était pas mauvais, enfin c'était pas mal Sully, mais bon c'était pas, c'était en deçà de. Bah de tout. Voilà. De tout ce qu'il a fait avant quand même. Enfin quand même pas, parce qu'il est vraiment. Au-delà et tout. J. Edgar. Oh, au secours, au secours. Bon. voilà, donc Eddie. En fait, moi, est-ce j'ai que tu vu... as déjà vu un film de David Lynch? Oui. Ah ben oui, j'ai vu que Mulholland Drive. Oui. Ok. Et je reprends l'expression que j'avais lue chez Morgan une fois. Et c'était dans les premiers moments où on devait se parler, hein, Morgan. Donc c'est très vieux. Enfin, c'est très vieux. Ça commence à bien remonter quand même. Ouais, 2011-2012. Dans ces eaux-là, ouais, mais peut-être même un peu avant. Et tu l'avais qualifié de pur objet de fascination. Et ben là, c'est tout à fait ça en fait. Et ce film est formidable et je l'ai vu deux fois et je le reverrai une troisième fois parce que j'ai toujours rien compris. Mais si, je connais la forme, c'est un thriller labyrinthique quoi. Donc c'est compliqué, c'est un thriller normal mais fait différemment. Donc forcément c'est pas évident, mais le film est formidable quoi. Et c'est vraiment réussi sur tous les points. Mais par contre, c'est vrai que j'ai pas ressenti plus que ça le besoin d'en découvrir d'autres de lui. D'accord. Donc, et après, visuellement, même si c'est volontaire et que c'est complètement approprié à ce qu'il veut faire, je trouve que, enfin, moi, ça me, c'est trop criard. C'est, il y a un truc qui me gêne un peu. Genre, j'ai vu une image là, il doit y avoir un nain, je crois, dans Twin Peaks, et ben voilà, oui. Cette image du nain là sur un sol bariolé un peu et tout, ça m'a, c'est tout à fait en fait le genre de truc qui te dérange, qui me plaît pas trop dans sa palette visuelle. Et c'est vrai que moi je suis chiant pour ça, c'est que un film si visuellement ça me parle pas, si j'arrive pas à rentrer dedans par le visuel, c'est vrai que c'est compliqué. Donc du coup je me dis bah si tout son univers est comme ça, et même Inland Empire, j'avais vu 2-3 morceaux et je trouvais ça affreusement kitsch en fait, malgré le fait que ça avait l'air pourtant passionnant, tout ce qui arrive à Laura Dern et tout. Mais et en plus il y a Laura Dern, donc c'est vrai que ça me motivait à le voir. Mais je sais pas, je suis Bah, et toi qui es fan de Desperate Housewives, il y a surtout Kyle MacLachlan, ou je sais pas quoi, qui joue Orson Kyle MacLachlan, qui joue Orson, ouais. Voilà, donc je suis fan de Desperate Housewives, hein. Ne me jugez pas, j'adore. C'est magnifique, Desperate. Mais c'est formidable, Desperate Housewives. C'est beaucoup mieux écrit qu'on le pense, déjà. Voilà. Donc, oui, David Lynch, mais même, voilà, si moi j'ai vu qu'un film de sa filmo, je trouve ça un petit peu dommage aussi, parce que je pense qu'il a quand même un public qui est peut-être moins nombreux qu'il a été, mais je pense que c'est un réalisateur qui pourrait quand même séduire des gens et malheureusement il le fera plus quoi. Voilà. Vraiment unique. C'est ça. C'est comme si on nous avait dit voilà, Kubrick est toujours vivant mais il arrête sa carrière. Je pense que ça nous aurait vraiment fait bizarre. Ouais, parce que moi ça m'aurait fait chier, hein, sincèrement. Oui. Mais il y a personne d'autre qui fait des films comme lui. Peut-être dans les années 80, il y avait David Cronenberg qui s'en approchait, mais c'était un peu différent quand même. Mais voilà, je trouve ça dommage. Tu vois ce qu'il fait aujourd'hui. On va pas rentrer là-dedans. oui, non, d'accord. Enfin, voilà, donc. David Lynch, je trouve ça dommage. Il va peut-être plus se consacrer aux séries machin. On verra bien ce qu'il fera. Bah déjà, il va y avoir Twin Peaks saison 3. Aucun de nous. Oui, voilà. Après, il arrête le cinéma, ça veut pas dire qu'il arrête forcément la télé. Hein. Ouais, voilà. Donc, je pense que peut-être qu'il s'intéresse peut-être plus au format série du coup. Alors pourquoi pas. Et pourtant, les séries demandent beaucoup de travail. Donc. Voilà. Donc, on verra bien ce que ça donnera. On passe à complètement autre chose. Ou alors à moins qu'il soit contacté aussi par Netflix ou des choses comme ça. Ah oui. Aujourd'hui, il y a plein de manières de rebondir finalement. Netflix, c'est vrai qu'après, bon, le catalogue en France c'est pas le meilleur qui soit, je pense, par rapport aux autres pays. Ça commence à être. Ça commence à s'étoffer un peu. Franchement, par rapport au début, voilà, c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que c'est quand même une. C'est pas juste un. c'est pas juste un réseau diffuseur. De distribution, c'est aussi une société de production qui quand même prend certains risques, je trouve, dans ce qu'ils produisent parfois. Complètement. Donc peut-être que... Voilà, on sait pas, on verra bien. D'ailleurs, Twin Peaks est arrivé sur Netflix, je crois. Ah bon, France ? Oui, ah oui, oui. Oui, ah, il me semble. Cool. Il me semble avoir vu ça, les deux saisons. Oui, oui, il me semble aussi, ouais. Donc voilà, pourquoi pas une bonne occasion de rattraper ça. Voilà, on passe complètement à autre chose. donc Power Rangers, il y a eu un... Ah, et là, c'est la transition, il ouais, la transition, elle est dure, hein. Elle est violente. Il y a eu un reboot récemment de Dean Israelite des Power Rangers. Israelite, n'est-ce pas ? Pardon. J'adore. C'est le meilleur imitateur de Le Pen que j'ai entendu. Avec Gérard, franchement. Vous pourriez faire un duo, ouais, ça serait super. J'adore. Bon, bref, voilà, il y a eu un reboot que personne n'a vu apparemment, puisque le producteur avait prévu de faire 6 suites de ce film. Il est assez ambitieux apparemment, et finalement ça n'a pas, enfin les recettes n'ont pas été aussi bonne que ce qu'il espérait, même en Chine, alors que normalement, enfin en ce moment, la Chine, c'est vraiment un des recours pour les producteurs hollywoodiens quand les films ne fonctionnent pas en Occident. Il est encore en train de rigoler. quand les films ne fonctionnent pas en Occident, la Chine, c'est souvent là où les producteurs américains espèrent faire de l'argent. Et même là-bas, ça a pas fait beaucoup. Enfin, ça n'a pas fait autant que ce qu'ils espéraient. C'était attendu. C'était attendu, voilà. Que ça ne fonctionne pas de toute façon. Ouais, il est, en plus, il est sorti clairement à une mauvaise période. Il n'est pas sorti. Ça aurait pu marcher peut-être l'été, par exemple. Je pense qu'il aurait pu avoir sa petite place l'été. Oh, tu me diras, les gens, ils vont bien voir Transformers. Ils peuvent aller voir Power Rangers. Est-ce que tu l'as vu, Morgane ? Parce que... Moi, je l'ai vu. Alors, honnêtement, je l'ai vu. J'ai pas adoré, j'ai pas détesté non plus. Je trouvais qu'en fait l'exposition était trop longue parce que ça dure 2 heures. Mais c'était quand même assez frais. Le casting est frais, il y avait un bon rythme quand même. Il y avait un bon visuel. C'était, il y avait, on va dire, un petit potentiel, des petits plans iconiques bien sympas. Par contre, il y avait des problèmes de longueur. C'était trop long pour raconter c'est un peu une origin story, un peu à la façon Chronicle. J'ai eu l'impression de voir un Chronicle version plus Michael Bay, si vous voulez. Mais c'était quand même, ouais. Mais c'était sympa. J'ai mis 2 sur 5 sur votre caster parce que c'était un peu long, même trop long. Mais il y avait un truc qui faisait que je m'étais dit, je verrai la suite avec grand plaisir quand même. Et il n'y aura pas de suite, donc j'y suis allé pour rien. Ça m'énerve, ça. Ça m'énerve. De toute façon, il va falloir qu'ils arrêtent de faire des films en pensant de faire des suites. Déjà qu'ils fassent le premier, c'est comme Assassin's Creed. Assassin's Creed d'ailleurs, qui va avoir le droit à un reboot sur Netflix. Et mais ça, par contre, ça peut être bien développé en série, je pense. Mais sans Michael Fassbender, sans rien. Donc, alors que la fin du premier film, c'était obligé qu'il allait y avoir une suite. Donc, du coup, c'est un peu dommage de penser des films, déjà de les penser en tant que film à suite. Et du coup, c'est dommage. Parce que ça crée des fins, des fausses fins, et ça tue carrément. Mais moi, je pense que c'est bien de penser à la suite, d'imaginer un scénario qui peut laisser des suites. Mais je pense que quand tu fais le premier film, eh ben il faut aussi le avoir une certaine forme de conclusion, ben voilà, pour pas laisser les gens sur leur faim, quoi. Ouais, complètement. C'est comme les séries qui s'arrêtent, qui sont annulées comme ça. Ouais. Ah, ça c'est horrible. C'est... J'en suivais une, je sais plus, c'était pas terrible, hein, c'était un peu nul, mais elle avait dû être arrêtée en plein milieu de saison 2. Donc en fait, du coup, il manquait plein d'épisodes. T'avais pas de fin du tout. Ça restait carrément en plein milieu d'intrigue, quoi. Ouais, mais c'est assez souvent. Ça se fait assez souvent aux États-Unis, ça. Malheureusement. Ouais, donc, toi, tu l'avais vu, Morgan, Power Rangers. Ouais, c'était pas extra, mais c'était pas non plus, enfin voilà, quoi. Ok, donc voilà, les 6 les 6 suites ne se feront pas. Puis 6 en plus. Non, mais c'est... En même temps, moi personnellement, Power Rangers, c'est vraiment pas la série que j'aimais. Je détestais ça en étant gamin. Je suis désolé à tous les fans qui sont entrés. Mais moi, ça fait clairement partie des choses à oublier, Power Rangers. Ouais, mais c'est même pas de la bonne pop culture. C'était. Déjà, c'était kitsch à l'époque. C'était horriblement kitsch. Et c'était nul, quoi. Moi, j'aimais pas du tout. Ouais. Et là, quand ils ont annoncé le film, j'ai dit, mais c'est n'importe quoi, quoi. ouais, non, mais voilà. Pour moi, je serais content que ça se fasse pas et que ça se soit cassé la gueule. C'est pas le genre de truc qu'il faut montrer aux nouvelles générations, quoi. Il y a des trucs, ça sert à rien de les ramener sur le devant de la scène. Oui, c'était remodernisé, franchement, ça va. Ouais, mais ça reste kitsch, quoi. Même les costumes modernes et tout. Enfin, je veux dire, les mecs qui se battent comme ça, je veux ça. Non, mais le problème avec Power Rangers, c'était vraiment que c'était en fait c'est un vol des États-Unis d'une enfin ils mélangeaient des morceaux de séries japonaises et ils mettaient enfin les scènes de combat c'était des trucs de ils mélangeaient plein de séries japonaises et ils faisaient les scènes d'acteurs américains sans leur casque aux États-Unis quoi et donc en fait déjà c'est même pas une vraie série à proprement parler Power Rangers. Oui parce que il y a tellement de j'ai l'impression qu'il y a plusieurs il y a autant de générations dans Power Rangers que dans Star Trek. Même plus hein je t'assure que Ah bon Ouais ouais ah, oui, ah, ouais il y a bien plein Power Rangers machin Power Rangers de Power je sais pas quoi Power Rangers Schiffer Power Rangers Saint-Marc, je sais pas quoi. Là. Chaque saison. Non, mais je dis des trucs à la con, oui, mais vraiment. C'était... Chaque saison, ça changeait. Enfin voilà, bon. Bref, moi déjà en tant que gamin, j'aimais pas ça, et donc voilà, bon, c'est ça se fait plus en film. On va dire tant mieux. voilà. On passe à un truc un peu plus cool quand même. La bonne annonce de la planète des singes, donc Supremacy, le troisième opus. De la trilogie démarrée en 2011 déjà, la prélogie plutôt. Donc bah, sorti... même pas. Ah, si quand même. pas totalement. C'est censé être avant les premiers films de 1960. Donc, pas forcément. C'est quoi t'as lu quelque chose qui Ben non, quand tu regardes les autres, celui-là il est. Après c'est compliqué, c'est des ouais, boucles, alors... Ils annonçaient ça au début comme une prélogie. Ouais, clairement. Mais moi je suis pas vraiment d'accord là-dessus. Pour moi c'est un segment différent mais qui s'intègre dans la même boucle. En fait c'est une réalité autre. D'accord, ouais c'est un autre univers donc. C'est ça. Ok, ouais bah ouais pourquoi pas. Mais oui parce que quand tu regardes le premier plus tous les autres et que tu regardes la bataille de la planète des singes, bah, tout se lie en fait déjà. Ouais. Donc du coup, ben il y a vraiment des. C'est pour ça que celui-là, j'ai eu du mal à les intégrer dedans. Mais en fait, je pense que c'est ça, c'est que c'est une autre réalité de ce que pourrait être la. D'accord. Enfin, de la planète des singes. Ouais. Ok. Ben oui, pourquoi pas. Ouais. Enfin, moi je le vois comme ça. C'est ce qui me semble le plus logique en fait. D'accord. Donc voilà, on a eu la bonne annonce. Donc là, il y a vraiment plus d'action. Ça montre vraiment la guerre entre les hommes et les singes. Oui, le vrai affrontement, il est là. Voilà, c'est ça, ouais. Oui, c'est vrai. Le film sortira le 2 août 2017. Donc c'est encore peut-être un bon film pour cet été. Je pense. Oui. Sincèrement, je pense. Parce que c'est vrai que j'aime un peu. T'aimes moins le deuxième. J'aime moins le deux. Ouais. C'est pas un film que je déteste, mais le deux, je le trouve trop simplet en fait par rapport au premier. Mmh, d'accord. Ouais, ce qui m'avait dérangé, c'est que on en avait parlé dans le premier podcast. Ouais, c'est vrai. que des rappels au premier podcast. ouais, mais on fait pas exprès. Hein. Ouais. Mais ce qui m'avait dérangé en fait, c'est que c'était tout en miroir le film. Voilà, les humains font ça, les singes font pareil, pour bien montrer que finalement les deux espèces sont aussi proches dans leur bon que leur mauvais côté. Donc ouais. Du coup, je trouvais que c'était un peu simple au niveau de l'écriture, alors que le premier finalement prenait vraiment le parti de ben voilà les humains. Les humains, en voulant faire des choses bien, peuvent aussi faire des choses mal et tout. Et il y avait pas de, il y avait moins de manichéisme en fait. Mmh. Et du coup, c'est vrai que le 2 m'avait un peu déçu. Mais curieusement, cette bande-annonce du 3 m'a bien réjoui. Ouais, ouais. Je m'attends à un truc vraiment. Voilà, ça a l'air d'être un vrai film de guerre. Ouais. Et puis bien, puis intéressant, je pense qu'en termes de thématique, ouais. ça peut être très bien. J'espère que ce sera aussi fort que le premier de 68. 7, 68 ou 67, je sais pas. Ouais, enfin les années 60 en tout cas pour sûr. Donc oui, moi je suis assez confiant. Impatient, je dirais. J'espère que j'irai le voir au cinéma. Et puis visuellement, c'est fou, quoi. Bah, c'est dingue. Déjà, en 2011, César, il était hyper réaliste. Ouais, ouais. Et moi, je l'ai revu en Blu-ray et tout, c'est génial. Et en 2014, hein, y a des scènes, les singes, c'est dingue. Moi, j'ai jamais vu des, depuis Gollum et compagnie, j'ai jamais vu des animaux aussi, bon, Gollum, c'était pas un animal, oui, mais j'ai jamais vu des créatures, aussi réalistes. Et ce qui est le plus surprenant et le plus bluffant surtout, c'est la fourrure. Ouais, c'est clairement ça qui m'avait vraiment bluffé. Tu vois vraiment, c'est poil par poil, c'est vraiment, c'est incroyable. Ouais, franchement, ouais, là, pour le coup, visuellement, c'est très très impressionnant. Tu vois le talent des artistes de Weta, hein, complètement. Ouais. Ah, oui, vraiment, oui. Parce que, comme c'est eux qui sont occupés, bien sûr, des Seigneurs des Anneaux, etc., et des Hobbits en même temps. Voilà, Weta, c'est vraiment, enfin ça a dépassé ILM maintenant, hein, parce que visuellement ça l'a vraiment dépassé, même si ILM c'était le pionnier, etc. Vraiment ils ont fait des grandes avancées, que ce soit en effets spéciaux numériques ou pas. Mais là clairement Weta c'est les premiers mondiaux en ce moment, vraiment, parce que à la vue de cette bande annonce, c'est ceux qui sont à la post-prod de beaucoup de films, hein. Oui, mais aussi. Mais surtout que Woody Harrelson a toutes les capacités pour camper un méchant. Ah oui, clairement. Plus ou moins. Après, ça va être un peu plus ambigu, je pense. Mais je pense que c'est un rôle qui lui ira très bien, ça. Ouais. Morgan, tu as pas vu la bande annonce? J'ai vu juste la première. J'ai vu la dernière, oui, ou la deuxième, je ne sais pas. Dans la neige et tout, là. Oui, c'est ça. Bah, j'ai vu. Magnifique, franchement. Même si, j'étais un peu déçu du deuxième, mais techniquement ça a l'air juste tellement mais hallucinant. C'est ça. Mais c'est tellement beau, quoi. Je veux dire, c'est le film, il est visuellement, mais c'est parfait. C'est-à-dire que où tu vois que c'est bluffant, c'est que ils reprennent justement le fait que les singes montent à cheval comme dans la version de 70 là. Et du coup, dans la version, l'affrontement, le deuxième après les origines, déjà quand tu vois les singes sur les chevaux, mais tu te rends compte que le cheval qui lui est vivant, qui est sur lequel un acteur est vraiment posé, mais tu te rends compte que le singe qui est dessus et qui est en image de synthèse, il est quasiment aussi réaliste que le cheval. C'est c'est vraiment ça qui m'avait bluffé en fait. Ouais. C'est que les deux animaux se confondent très bien et c'est vraiment c'est fou, quoi, de voir ça. Oui, mais clairement. Et j'ai hâte de le voir pour ça, moi, franchement. J'ai hâte de le voir pour ça. Parce que, c'est tellement l'histoire, t'as pas envie de savoir la suite quand même? Bah, du fait que j'ai un souvenir un peu tiède du précédent, peut-être falloir que je le revoie. Même les origines. Vous avez revu, hein. Ouais, je vais quand même les revoir. Je pense que c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Mais le deuxième, je l'achèterai en Blu-ray, hein, certainement aussi. Non, visuellement, voilà, je suis quand même curieux de savoir la suite. Mais. Ça a l'air tellement d'être, c'est une promesse technique pour moi qui va être, je pense, assez marquante. Cette année, on a, la prouesse technique comme ça. Mais c'est quand tu vois la bande-annonce de Supremacy, la Plaine des Singes, et puis que tu vois la bande-annonce de Valérian derrière, tu te dis que c'est un problème. Ouais. Alors, mais après c'est pas les mêmes moyens techniques. Non, mais bien sûr, Valérian est bourré de promesses aussi. Et j'ai vraiment hâte de le voir. Mais plus je le vois, la bande annonce qu'on voit de promesses en termes d'univers peut-être, mais le rendu des textures et tout, c'est. Franchement, quand j'ai vu ce que la bande annonce passe tout le temps au cinéma, plus je vois la bande annonce, honnêtement, je me dis putain, ouais, en termes d'univers, c'est ça a l'air top. Mais visuellement, je trouve qu'il y a quand même un truc. Puis là, je pense qu'ils vont le fignoler davantage. Enfin, ça promet. Après voilà, c'est pas la même chose, mais c'est vrai que la Planète des Singes, puis c'est aussi une façon, encore une fois, de dire qu'Andy Serkis est un acteur juste fascinant, quoi. Mm-hmm. Et j'aimerais au moins qu'une fois l'Académie des Oscars lui récompense que mine de rien, il a quand même été dans tout ce qui est les progrès techniques du cinéma récent, et lui il était dedans, quoi. Je veux dire, Gollum, il a contribué à ça. King Kong. Voilà, il y en a quand même King moins. Kong, King Kong King était Kong, très très bien fait aussi. Carrément beau. Enfin, quand le King Kong de 2005 est sûrement plus réaliste que la version 2017. Ah bah, voyez le Kong qui est sorti, Skull Island, là, honnêtement, c'était une horreur, quoi. C'était nul. Ouais. Déjà, le film était naze, et puis là, c'était bon. Techniquement, quoi. Quand un film de 2005 est plus abouti et réussi qu'un film de 2017, c'est quand même qu'au bout d'un moment, je pense que la technique joue beaucoup. Et... Ça, c'est l'effet Peter Jackson aussi. Mais voilà, Peter, ça fait toute la différence, j'ai envie de dire. Bon, après, c'est vrai qu'il n'y avait que King Kong qui avait de la gueule dans celui de Peter Jackson. Ah, je trouvais que les dinosaures étaient quand même bizarrement bien. Oh là là, les insectes et tout, les... Oh là là, tellement... Puis même... Les insectes, oui, mais pas les... Le New York d'époque. Rien que ça. Ah bien, ça par contre, oui. Oh mais de toute façon, c'est les meilleures parties la... sont celles dans New York. La scène où elle s'approche vers la fin et tout. Enfin, la scène avec le coucher de soleil et tout, mais... Une photographie. Incroyable. Voilà, ça c'est la technique... Oh là là. Donc j'ai hâte de le voir pour ça. Mais oui, clairement, et... Je trouve ça, enfin, j'espère déjà qu'il sera nommé aux Oscars pour visuellement. Déjà ça, au moins. Et puis Pierre Boulle, quoi, c'est français, La Planète des Singes. Ouais, aussi. Bordel de shit. C'est lui qui a écrit le roman. Donc, en tout cas, il a un nom de famille qui fait vendre. Hein. Ah, ça. Les films de Boulle, ça ouais, marche. Oui, vous imaginez, il serait producteur. Ouais. Oh non, mais. Boule production. Attends, non, mais c'est vraiment. Ouais, c'est vrai que c'est. La science-fiction française, en tout cas en littérature. On n'est pas les derniers, quoi. Enfin, je veux dire. Il y a Juju, il y a Pierrot, il y a. Il y a Barjavel aussi. Enfin, il y a pas mal de grands auteurs de science-fiction en France, et malheureusement, bien sûr. Enfin, j'aime pas cracher sur Valérian à reprise, mais j'ai pas trop confiance dans le film. Donc, pas du tout. Voilà. Mais après, pourquoi pas, on verra bien, mais je sais même pas si j'oserais aller voir aussi. Après, la planète des singes, j'ai quand même un certain a priori qui peut rester, parce que ça, c'est toujours matrice à la réalisation. C'est ça. Donc j'ai peur qu'il retombe un peu dans les mêmes travers que l'autre. Et ça, par contre, ça me ferait chier. D'accord, ouais. Moi, personnellement, le 2 m'a pas dérangé, j'ai beaucoup aimé. J'ai autant aimé que le premier, donc... Mais après, le 2, c'est pas que j'aime pas, hein. Ouais, mais... Je suis un peu déçu, quoi. Le premier était tellement bien que... Ouais, non, mais je peux... Ça aurait pu monter crescendo et être formidable, quoi. Je peux comprendre. Donc voilà, film de guerre avec des... Enfin, film de guerre, Planète des Singes, ça a l'air vraiment excellent. Donc voilà, ça, on verra ça le 2 août au cinéma. On passe... Le 2 août, nous n'aurons plus doute. De doute. Ouh là là, Morgan, t'étais à chercher loin. Ça. Ouais, j'ai essayé. En plus, j'ai fourché, parce que j'ai pas... ça n'a aucun intérêt. Ouais. Donc voilà. Ah, merde. Non, on passe complètement à autre chose. En fait, on passe à quelque chose qui est du niveau de ta blague, tu vois. Allez, bon bah je m'en vais. Hein. Au revoir. Voilà, on me réclame et on m'insulte. Non mais en plus, c'est... Et j'ai même pas vu cette bande-annonce d'ailleurs. Tu t'as bien fait. Ah. Oh, c'est rigolo. la bande-annonce du monde secret des emojis, qui sortira le 18 octobre 2017 en France. La bande-annonce est sortie. Et en VF, je mise tout ce que vous voulez avec les voix de Natou, de Squeezie, de Mister Ah, bah V. Oui. Ça va être ça. Ah oui. Non, je crois pas. Hein. Parce que l'abondance que j'ai vue était en VF et bon après je sais pas ouais, si ouais non c'était... mais il y aura du je suis obligé. Ouh, enfin, j'aime bien Natou par ailleurs. mais ouais voilà on verra bien pour la version française je j'ai pas vérifié qui étaient les acteurs derrière. En tout cas je sais que au niveau version originale il y a vraiment des grands acteurs, genre il y a Patrick Stewart, il y a Anna Faris, il y a T.J. Miller qui est joué dans le Deadpool malheureusement mais qui est un très bon acteur comique, enfin il y a quand même du grand. Les trois frères. Ah, ils sont... Bref, voilà. Donc, ce film ne me fera pas rire comme la blague de Morgan d'ailleurs, parce que je pense que j'ai plus ri en écoutant la blague de Morgan que j'ai ri devant cette bande-annonce. Ouais, c'est dire si le film sera pas drôle. Hein. Voilà, c'est ça. Pour moi, ça a l'air vraiment. C'est le syndrome Angry Birds en fait. C'est vraiment ça. C'est en plus tu vois d'ailleurs directement les placements de produits Candy Crush et je sais plus quoi, mais enfin il y a pas mal de placements de produits et à mon avis il y en aura plus que ce qui a été montré dans la bande annonce. Voilà, Just Dance etc. Donc déjà dans la bande annonce il y a deux placements de produits, c'est dire si va y en avoir dans le film. Mais ça va être que c'est ça. C'est pire que dans les Transformers. Ouais. Donc voilà. Ou dans War Z. Aussi d'ailleurs. Ouais, mais là, c'était limite une dénonciation. Oui, voilà. Quoi. Oui, oui. Bah, comme, c'est ça. Bah, là, mais, c'est clair. Comme Busan. Busan, si, c'était oui. Burger King et tout. Et dans Tunnel, c'était McDo, le film. Là, mais c'est très, très bien de faire la promo de Burger King. Ah, mais j'en ai un chez moi, mais je suis jamais allé. Enfin, si, j'y suis allé. Oh, putain. Ouais. Qu'est-ce que c'est bon, ça. Bah, j'ai... Ouais. Bref. On fera un podcast gastronomie plus tard. Gastronomie, on reparlera de gastronomie avec Burger King et McDo. Oui, mais oui. Voilà. Voilà, donc le monde secret des emojis, ça a vraiment pas l'air terrible. Ça a l'air d'être une grosse vache à lait. Vache à lait, oui. Poule aux œufs d'or ou je voilà, sais plus quoi. Voilà, poule aux œufs d'or pour surfer sur la vague Lego, mais en beaucoup moins intelligent et en beaucoup moins réfléchi. Et voilà, ça a l'air vraiment débile. Les c'est produit par Sony. Hein. Ouais, les blagues sont pas marrantes. C'est vraiment moche. Visuellement, c'est moche. Et l'histoire a vraiment pas l'air intéressante, quoi. C'est censé être sur une émoticône qui a bugué et qui s'est trompé de visage. Et apparemment, enfin, le gamin qui a fait ça sur son téléphone, il veut aller le réinitialiser et ils veulent empêcher qu'il réinitialise son téléphone parce que sinon le monde des emojis disparaît. Voilà, c'est c'est vraiment. Et en plus, ils ont quand même des idées de fou à Hollywood. C'est vraiment une superbe idée. Et encore, je vous ai pas tout dit. Hein. Enfin, il y a plein de trucs vraiment débiles, même d'un point de vue technique. Ils veulent rentrer dans le cloud, etc. Enfin voilà, avec un mot de passe général pour le cloud. Voilà. Personnellement, en tant qu'informaticien, ça m'a un peu fait arracher les cheveux. Mais bon, après, on va dire que c'est un film pour enfants. C'est pas censé être correct comme ça. Mais bon. Voilà, ça a l'air vraiment nul voilà, c'est un mélange nul entre Lego et vice versa. Voilà, mais vraiment nul. Eddie, t'as vu la bande-annonce, qu'est-ce que t'en as pensé? Mais en fait, je pense que effectivement, ça va être nul, ça va servir à rien et j'irai pas le voir au cinéma. Mais moi, je pense que ça va me faire rire. En fait. Clairement pas. Je sais pas. T'as rigolé devant la bande-annonce? Il y a un truc qui m'a fait sourire. Je crois, je sais plus à quel moment, mais je me rappelle avoir souri. D'accord. Ok. Et Morgane, toi, t'as pas vu l'abondance non. Du coup non. Non, et non. Et tu t'en. Ouais, ouais, voilà. Ouais. C'est comme Angry Birds. Mais après, c'est pas le genre de truc que j'attends. Hein. Ça se trouve, je le verrai que dans 2-3 ans, tu vois. C'est... Ouais, ouais. Mais après, tu vois, on disait, on crachait quand même pas sur le film Lego avant qu'il sorte, mais on n'avait pas du tout confiance. Mais moi, personnellement, après avoir vu les deux premières bandes annonces, j'avais quand même une petite confiance. C'est pour ça que je suis allé le voir d'ailleurs au cinéma. C'est les bandes annonces qui m'ont donné envie d'aller voir le film Lego, parce que sinon je ne serais jamais allé le voir. Et surtout que déjà Lego, ils ont montré qu'il y avait leurs limites avec Lego Batman. Bah, je sais pas, je ne l'ai pas vu, donc... Ouais, si, un petit peu. Tu l'as vu du coup, Eddie? Ah oui, j'avais été le voir au cinéma, moi. Ah oui, c'est vrai, ouais, d'accord. T'avais pas trop aimé, du coup. Mais voilà, en tout cas, mais après, c'est parce qu'il y avait des génies derrière aussi. Enfin, il y a vraiment des très bonnes personnes au scénario et à la réalisation, donc c'est pour ça. Ça joue beaucoup. Voilà, on va passer à autre chose parce que je pense qu'on a passé déjà trop de temps sur ce film. Oui, déjà. Donc on va parler d'un film qui est même pas encore sorti, c'est juste une annonce d'acteur, d'actrice justement. Donc Rosamund Pike qui a été choisie pour jouer le rôle de Marie Curie dans un film de Marjan Satrapi qui a fait Persepolis. Et The Voices, voilà. Avec Ryan Stone. Non, c'est Gravity, ça. Ryan Reynolds, pardon. Exact. Ryan Stone. Oh, putain. Voilà, donc, le scénario est tiré d'une bande dessinée de Laurent Rennis, qui est intitulée Radioactive, Marie et Pierre Curie. Voilà, et elle est familière des adaptations de BD puisqu'elle a porté à l'écran deux de ses œuvres, Persepolis et Poulet aux prunes, que je n'ai pas vu. Apparemment, il est très bien, Poulet aux prunes. En tout cas, Persepolis, j'avais vraiment beaucoup aimé. Ah bah Persepolis, c'est génial. C'est vraiment très très bon. Et The Voices aussi, c'est marrant, c'est débile, c'est pas non plus le plus. Ah, j'ai pas vu, mais je pense que je le verrai pas. Oui, parce qu'il y a les animaux qui parlent. voilà, donc. Rosamund Pike pour jouer un film, enfin pour jouer dans un film sur Marie Curie, de Marjan Satrapi, Morgan. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, enfin moi les biopics comme ça, c'est, en général ça m'excite pas de vraiment, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Mais bon, Marie Curie, oui, pas de problème. Hein. Enfin, je suis curieux quand même parce que je j'ai pas une grande culture sur le dossier. Puis Rosamund Pike, voilà, ça me fait plaisir de la revoir quand même au cinéma. Ouais. Mais c'est surtout ça en fait. C'est surtout ça, ouais, je pense. Même si j'aurais par exemple adoré, je sais pas, genre Jessica Chastain. Enfin, je sais pas. Voilà, je pense que tout est une question d'actrice en fait. Donc ouais. Voilà, donc oui, pourquoi pas, mais bon, pour l'instant. Mais je pas... pense que c'est une histoire qui peut être assez intéressante. Ah déjà, oui. Déjà, première femme à avoir eu le prix Nobel, et en plus c'est deux ça. Fois. Non, c'est la première, et c'est la seule femme qui a deux prix Nobel. Mmh. Donc voilà, déjà, ça dit quelque chose sur notre monde. Donc oui, Eddie, tu voulais dire. Ben je pense que c'est vrai qu'il y avait Persepolis, il y avait un message très féministe aussi ouais. qui était très intéressant, et je pense que là elle va pouvoir réitérer un peu ça et du coup sur un support beaucoup plus tangible, parce que c'est le film, c'est plus de l'animation. Ouais. Même si Persepolis, enfin c'était super parce que c'était de l'animation, mais c'était tellement proche de la réalité que coup c'est ce qui faisait vraiment toute la force du film. Et puis là, bah après, voilà, Marie Curie, c'est quelqu'un de suffisamment intéressant pour qu'on en fasse un biopic. Mais j'ai essayé de regarder les films qui étaient déjà sortis sur elle, et il n'y a pas vraiment de film qui se démarque. Il y a beaucoup de téléfilms français, belges, etc. Il y a, y a un film américain qui était sorti quelques années après sa mort, dans les années 40. Enfin voilà, il y a pas non plus de grands films. Après, il y a eu beaucoup de films sur Camille Claudel, par exemple, ou ces choses-là. Voilà, ouais. Mais c'est vrai que Marie Curie, d'ailleurs, Rodin qui sort prochainement. Il y aura Camille Claudel aussi dedans, donc voilà. Encore l'histoire de Camille Claudel. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que c'est bien aussi de se pencher sur Marie Curie, qui a quand même été importante. Mm-hmm. Et puis Rosamund Pike, moi, je pense qu'il y a pas de problème. Elle saura tenir le truc. Quoi. Ouais. Ouais, non, moi je suis assez content. C'est une histoire que je pense qui peut être très intéressante et qui a rarement été racontée au cinéma, et en tout cas pas de cette manière-là, aussi avec une actrice aussi connue. Je pense que ça peut faire un film vraiment sympa. Après, ça dépend de ce que ça va être au niveau du scénario. Mais moi j'ai confiance en Marjane Satrapi, parce qu'elle a fait, personnellement, moi j'ai vu que des bons films ou des très bons films de sa part. Donc, mais voilà. Ce qu'il y a, c'est que jusqu'à maintenant, elle a montré qu'elle n'était pas vraiment académique. Oui, bah oui, clairement. C'est pour ça que c'est intéressant l'exercice du biopic avec elle, parce que c'est ce qui, et Morgane sera sûrement d'accord avec ça, c'est que c'est le problème des biopics souvent, c'est que c'est ça, c'est très. Ah oui, c'est très oscarisé, on va dire. Enfin, voilà, c'est ça. Voilà, c'est pour avoir des prix, c'est souvent c'est l'impression que ça donne. Même moi qui adore Spielberg, ça, Lincoln, pour moi, enfin. Lincoln. Et je le dis toujours aujourd'hui, ça faisait vraiment un film à Oscar, quoi. Ouais, la Dame de Fer, tout ça, et même le discours d'un roi, hein, qui est formidable. Mais c'est vrai que c'est vraiment c'est un genre qui est enfermé un peu dans ces espèces de dogmes là. Et je pense que Marjane Satrapi justement a toute la capacité à ne pas aller là-dedans. Ouais, complètement. Donc du coup, c'est pour ça que l'exercice, à mon avis, sera intéressant à voir. Et ce que j'aime bien aussi avec elle, c'est qu'elle a vraiment cet esprit vraiment BD. On le voyait aussi dans The Voices, c'était pas un film qu'on voyait, qui était, enfin ça sortait de l'ordinaire, quoi, vraiment. C'était la manière dont elle filmait, etc. Ça avait pas, on n'avait pas l'impression de voir un film live en fait. On avait vraiment l'impression de voir une BD adaptée, c'était avec des acteurs live, quoi. Mais ça peut être vraiment sympa, je pense. Voilà. On va passer rapidement à un truc qui s'est passé au festival de Cannes, qui se passe en ce moment d'ailleurs, je crois. Ouais. Je sais pas si c'est non, c'est pas aujourd'hui. Que ça finit ? Je sais même pas quand c'est. Non, qui passe le film en question. Je ne sais pas. Voilà, il y a eu. Non, il est passé hier. Il est passé hier. Passé hier. Oui. Donc. Je dis ça de tête, puisque j'ai pas retrouvé d'article sur le sujet, mais voilà. Donc Netflix, Okja, donc un film de Bong Joon-ho, qui est un dieu de la réalisation, etc. Voilà, sud-coréen. Et je pense que Morgan sera d'accord avec moi là-dessus. Donc il a fait un film qui s'appelle Okja ou Okja, je ne sais Okja, pas mon prénom, voilà, qui est distribué et produit par Netflix et qui a été nommé au Festival de Cannes. Et donc le souci, c'est que à la base Netflix ne voulait pas le passer au Festival de Cannes puisque c'est un peu contre leur modèle, puisque leur modèle c'est d'avoir le plus d'abonnés possible pour financer leur films, etc. Et leurs séries. Donc ça a créé une certaine polémique. Finalement, ils ont quand même réussi à le passer. Il y en a qui ont hué devant le logo Netflix, ce qui montre un peu l'intelligence des personnes qui vont à un festival de Cannes. Alors, il y a deux catégories. Et attendez, avant de parler de public cannois, c'est des gens, des fois comme vous et moi, qui ont des accréditations. Non, hein. Non, donc, mais voilà. Non, il y a surtout une certaine tranche de la population du public cannois. Voilà. Des bobos, quoi. mais. En fait, il paraît que les huées qu'on a pu entendre, c'était parce qu'il y a eu un bug de projection au début du film. Mais c'est facile, ça. Voilà, c'est facile, ouais, je ne sais pas qui croire. Voilà. On voit un autre c'est logo facile, apparaître. C'est facile, voilà, c'est ça. On voit un autre logo c'est apparaître, ça. Ils auraient pu le faire avant. Ils auraient pu le faire avant. C'est très bien calé, sur le logo Netflix. Non, mais c'est surtout... Bah oui, je vais en parler après. Ah, vas-y. Ouais, je finis rapidement. Oui. Voilà, donc le film est toujours... Enfin, il est toujours dans la course pour un prix, mais le Festival de Cannes a sorti un arrêté. Non, peut-être pas un arrêté, mais ils ont dit que à partir de l'année prochaine, il faudrait que les films soient absolument, enfin que les films qui sont nommés soient diffusés à Cannes. Voilà. Un dernier truc rapidement pour avant qu'on parle de ça. Bong Joon-ho, je trouve, a eu une réponse assez intéressante quand on disait que son film, quand on disait ouais, ben ton film il passe pas au Festival de Cannes, donc c'est pas normal qu'il soit nommé, et parce que les gens ne peuvent, enfin tout le monde ne peut pas aller le voir puisque tout le monde n'a pas un compte Netflix. Il a dit ben il y a plein de films qui sortent au Festival de Cannes, qui ne sortent jamais en salle. Et Tilda Swinton a approuvé aussi le truc, et Jake Gyllenhaal, voilà. Il a dit, c'est aussi une façon d'intéresser un autre public. Donc au final, les plus cons, c'est pas ceux qui ont fait le film, ni ceux qui ont joué dedans. Hein. Ce sont les polémistes, franchement. Voilà, parce que c'est avant qu'on parle de ça, mais enfin, c'est une polémique débile déjà de base, je trouve, même si Netflix, c'est dommage qu'ils aient réagi comme ça, mais au moins ils ont quand même décidé de le diffuser, et tout l'honneur est pour eux, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est parti un peu. Parce que là, à l'heure actuelle, le film produit par Netflix va quand même être diffusé en salle. De ce qu'on a pu voir, apparemment oui. D'accord. Mais il est diffusé à Cannes. Alors je sais pas s'il sera diffusé en salle en France et dans le monde. Ou alors s'il sera diffusé uniquement sur Netflix. Mais je pense qu'il n'y aura pas de diffusion en salle parce que tout simplement parce que c'est contre le modèle Netflix. Bah oui, mais pourquoi pas, c'est un parti pris. Enfin faut tenter. Maintenant il y a aussi, j'ai un problème avec les gens et je lis beaucoup d'avis contraires sur Twitter. Il n'y a pas de problème, on peut en parler. Mmh. Mais il y en a quand même qui pensent que Netflix égale tablette égale ordinateur. Est-ce que ces personnes-là peuvent savoir que maintenant il y a des télés connectées avec Netflix, qu'on peut regarder des films? Mais moi tout ce que je regarde sur Netflix, c'est via mon lecteur Blu-ray. Et puis on peut regarder ça avec un bon cinéma. Et d'ailleurs, cinéma, je gueule parce que mon lecteur Blu-ray me décale tous les sous-titres. Alors du coup, je regarde tout en français. Ah merde. C'est sur mon lecteur Blu-ray quand je suis chez moi. Et sinon, quand je suis de garde au boulot la nuit et que du coup, j'ai plus de boulot, je suis juste en surveillance, je regarde mes séries sur mon portable. C'est tout. Ouais, La plupart à 90%, c'est sur la télé, hein, ça c'est clair. Mais après, petite question un peu d'arty, t'as pas une télé, une Smart TV, toi? Tu peux pas, avec ton téléphone, tu sais que tu peux télécharger l'application. Non, tu sais pourquoi? Et renvoyer, ouais. Je pourrais, même via ma box. Mais le problème, c'est que j'ai pas le 5.1 avec la box. Voilà. Ah, ça m'emmerde un peu. Voilà. En tout cas, c'est pour ça que je regarde via mon lecteur Blu-ray. En tout cas, on a la preuve que c'est pas Netflix, c'est pas des téléphones ou c'est pas que des tablettes. Enfin, moi, je préfère qu'un film existe sur Netflix plutôt qu'il n'existe pas. Et Bong Joon-ho a quand même dit qu'au moins avec Netflix, ça lui a permis, ils lui ont donné, mais carte blanche pour faire ce qu'il voulait faire. Clairement. Donc c'est pour ça qu'il a une liberté et c'est pour ça que ça l'intéressait. Et je pense que si Okja là, je pense que il mise très gros avec ce film parce que Bong Joon-ho c'est pas rien. Et en plus il y a quand même l'étiquette cannoise. Je pense que si le film cartonne, déjà en plus il y a apparemment le prochain Scorsese devrait arriver aussi sur Netflix. Je comprends, mais moi aussi j'ai envie de voir un Scorsese au cinéma. Enfin, Silent, j'avais envie de me barrer, mais petit tacle. Non, mais moi aussi, j'ai envie de voir un Bong Joon-ho au cinéma. Il y a pas de problème. Je comprends. Rien ne vaut une salle de cinéma. Mais tout le monde ne peut pas aller au cinéma. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller au cinéma. Je pense et les films ne passent pas partout. Il y a plein. Attends, je suis désolé. Parmi tous les films de la compétition. Mais bon, après, les gens diront, t'as pas les moyens d'aller au cinéma, mais t'as les moyens de te payer un compte Netflix. Bah oui, clairement. Mais oui, moi, c'est clair que c'est ça, hein, parce que. Moi j'ai pas de pour ça une salle sert de rien cinéma que tu peux avoir un compte Netflix hein. Exactement. Donc, moi je paye 9,99 par mois, j'ai un abonnement, c'est pas le plus haut. On a tous des abonnements Netflix mais en même temps j'en ai bah, moi j'en ai un mais bon je le paye pas, c'est un ami qui m'a prêté son identifiant. Ça marche beaucoup là-dessus en ce moment. Non mais voilà, moi effectivement, j'ai mon abonnement Le Pass au cinéma, je paye 20 euros par mois. Mais bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on a failli faire, Morgane. Hein. C'est ce qu'on a failli faire, ouais. Et on l'a pas fait, oui, c'est vrai. Moi, je sais que je paye mon abonnement cinéma 20,50 € par mois, mais si je ne pouvais pas, si j'avais pas cet abonnement, évidemment, Netflix m'aiderait, mais tout le monde. Et tu payes ton abonnement ciné parce que tu peux y aller souvent, t'es dans une grande ville. Voilà, c'est ça. Il y en a, c'est une question de temps. C'est une question de trajet, c'est une question de. Enfin, et il y en a, pardon, mais il y en a, ils aiment pas aller au cinéma. Qui entend tout seul. Trajet dit distance, et qui dit distance dit l'essence aussi. Ouais, parce que moi, c'est ça le truc, c'est que moi j'habite dans une petite ville, il y a 4000 habitants, on n'a pas de cinéma de quartier. Ouais. La ville la plus proche qui a un cinéma, elle est à 12 minutes. Ouais. Et c'est une ville de 15 000 habitants, donc il y a qu'une salle pour le moment, ils vont en faire 5, mais ça marchera jamais 5. Et les programmations, c'est quoi? C'est que des trucs grand public. Donc c'est pour ça que je suis toujours emmerdé, moi je peux rarement voir les trucs. J'ai un autre cinéma qui est un peu plus loin, qui est à 20 km, mais alors du coup, les places sont plus chères. Donc forcément, quand j'y vais, et ben, je réserve sur Internet, donc je les paye un peu moins cher, mais bon, maintenant, ben, j'ai plus le tarif 25. Mais du coup, je compte ma place de ciné, je compte le oui, déjà, ça me prend du temps, parce que moi, maintenant, quand je vais là-bas, admettons que je vais voir un film de 2 heures, ça veut dire que je suis parti au moins 4 heures de chez moi, quasi. Voilà. Clairement. Donc je compte ça, je compte l'essence, ça me revient cher. Donc au final, j'ai un abonnement Netflix. Alors c'est vrai, je regarde plus de séries que de films parce que les films ne m'intéressent pas forcément tous. Mais je comprends en fait la démarche. Donc voilà. Et ce serait pas rentable pour moi, par exemple, de prendre un abonnement dans le cinéma où je vais habituellement. C'est vrai que tous les cinémas, enfin Gaumont Pathé propose, UGC voilà carte illimitée, mais effectivement moi là j'ai la chance, j'ai pas le permis, mais je prends le bus, je suis au cinéma. Mais le bus tu le payes aussi? Non. C'est des abonnements oui. Non, non parce que quand tu es sans emploi chez moi tu ne payes pas le bus. Ah d'accord, ok. Voilà, donc voilà, vous voyez, bon, c'est un peu rentable finalement, mais si vous voulez, moi je sais que je peux y aller, il faut avoir le temps, mais il y en a qui aiment pas aller au cinéma tout seul, donc je pense qu'il y en a qui préfèrent consommer le cinéma. Moi à la j'y vais maison. De moins en moins tout seul hein, au cinéma. Voilà, non mais ça je peux comprendre. Parce que justement c'est plus loin, donc on choisit aussi ce qu'on va voir. Et je vais pas faire mon dictateur en mode 6 mois je peux aller au cinéma, parce que je sais qu'il y en a plein qui disent, mais vous savez le cinéma c'est pas si cher, mais il y a des abonnements, oui, mais tout le monde n'a peut-être pas les moyens. Parce qu'entre mettre 10 euros et mettre 20 euros, parfois il y en a, ils sont à 10 euros près. Hein. Donc au bout d'un moment, il faut peut-être aussi se dire, moi je préfère qu'il y a des gens, je préfère que certains films soient diffusés sur Netflix, même les séries, quand même, il y a quand même des superbes séries sur Netflix, faut dire les choses. Bon, récemment, par exemple, Sorting Reason Why, c'est très bien. Donc ça permet aussi aux gens de voir des belles choses. Netflix, c'est pas le mal, ça ne tue pas le cinéma. Non, absolument. Le téléchargement n'a jamais tué l'industrie du cinéma. Peut-être la musique, mais ça on en reparlera, enfin c'est un autre débat, mais voilà, quand on me dit un Bong Joon-ho sur Netflix, bah pourquoi pas, et je pense que ça peut même, si ce film marche, ça pourrait donner davantage d'idées à des producteurs, enfin à Netflix ou des réalisateurs de vouloir, si Bong Joon-ho a fait ce qu'il voulait faire avec ce film-là et qu'il dit j'ai fait le film que je voulais, visiblement vu qu'il est à Cannes, c'est qu'il est fier de faire ce film-là. Je suis désolé, mais surtout Netflix, mais quelle avancée. Si on m'avait dit il y a 2 ans que Netflix irait à Cannes, jamais j'y aurais cru. Et Jake Gyllenhaal a dit ça permet de toucher un autre public, parce que c'est vrai que Netflix, c'est un public relativement jeune. Et c'est un public énorme. C'est un public énorme et plutôt jeune. Ils sont dans beaucoup de pays. Faut pas oublier qu'ils sont pas que dans la France, États-Unis. Voilà, c'est ça. Ils sont partout. Mais vraiment, ils sont partout. Ils sont là, dans les réseaux sociaux. Ils sont énormément. Ils sont dans énormément de. L'imitation de la fille, moi. Énormément de pays. Donc voilà, c'est pas, en plus c'est pas que pour le public français, au public américain, au public machin. C'est pour quasiment mondial. Prenons le cas de Snowpiercer. Snowpiercer, il a eu du mal à sortir en Amérique. Et vraiment, il voulait l'amputer de 30 minutes ou je sais pas quoi. Bon, on avait dit que c'était n'importe quoi. Bah là, avec Netflix, hop, on le met et basta. Franchement, je comprends pas. Il faut être ouvert. Le cinéma, c'est pas qu'au cinéma, c'est aussi chez soi. Netflix, ça fait partie maintenant du domaine. Et si on peut permettre à des réalisateurs de s'exprimer aussi par ces plateformes-là et de toucher un autre public, mais moi, je trouve que c'est bien. Et je pense que voilà, faire un. Faut arrêter de dire que Netflix tue le cinéma. Pour moi, pour citer un grand homme, c'est de la poudre de perlimpinpin. Voilà. Et c'est vrai que je reviens encore à moi. Je vais passer pour un gros nombriliste. Moi, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de films. Par exemple, les films longs qui font 2h30 voire plus. Ben, je préfère les voir chez moi aussi. Parce que je comprends, oui. Confortable. Mais parce que t'es plus à l'aise aussi chez toi, parce qu'il faut, enfin, même si tu vas dans des bonnes salles, je vais rarement dans les pâtés et tout, mais c'est vrai que les salles sont quand même t'es plus à l'aise dans ton siège ou voilà. Mais moi je suis grand, je suis 1m85, mais déjà rien que pour le fait de pouvoir étendre ses jambes un peu chez toi, ça fait du bien, parce que dans les salles t'es étriqué, t'es pas hyper à l'aise. Dès que tu vas aller aux toilettes, tu fais chier tout le monde. Enfin c'est. Ah mais ne fais jamais un marathon Seigneur des Anneaux au Grand Rex. Hein. Toi tu meurs. Ah oui, je pense, ouais. Et j'ai fait un marathon Retour vers le futur dans mon cinéma de quartier où j'habitais avant, et sincèrement, c'était évidemment que c'était super de les voir sur grand écran. Mais au bout du troisième, ouais. Ah, j'en ai ras-le-bol, là. Et du coup, il y a ça aussi. Il y a une question de confort. Alors, c'est vrai que payer 9€ une place pour un film que t'es même pas sûr d'aimer, en plus. Mmh. Et puis, tu sais que tu vas être dans la salle, et puis, quand tu vas sortir, il sera grand temps, parce que t'en as ras-le-bol, t'as mal aux jambes, t'as mal au dos. Le ratio il te fait. Je préfère prendre un abonnement Netflix. Parce qu'à limite, même si je regarde un film qui me plaît pas trop sur Netflix, c'est pas grave. Ouais. Grave parce que avec tout ce que je regarde à côté, puis je le rentabilise à côté, quoi. C'est pour ça que moi, c'est pareil avec mon abonnement Le Pass. Si je veux voir, c'est pour ça que des gens disent, mais pourquoi Morgane tu vas voir ce film là? Oui, par exemple, je vais voir toutes les comédies françaises merdiques, je me les tape, et il y en a un qui comprennent pas parce que je ne paye pas le film. Alors en soi, si on le paye quand même sur Netflix, quand tu cliques, tu donnes de l'argent, mais c'est pas direct. Et aussi une question de confort et de tranquillité, parce que je sais que des fois dans les salles c'est un peu compliqué. Par exemple le prochain Scorsese, il y en a Martin Scorsese, c'est les affranchis, donc il y a les petits jeunes de 15-16 ans là qui disent oh putain j'adore Scorsese et tout, il y en a ils foutent le bordel dans la salle et tout. Il y a plusieurs critères et tout ça c'est subjectif. Les films d'horreur. Oui, voilà par exemple. Et on peut. Et genre les Annabelle et machin. Mais moi j'ai pas été voir ça au cinéma. J'ai été le voir chez moi. Je voulais pas me retrouver avec des neuneux là qui sont pas capables de se tenir pendant 2 heures et voilà. Après. Après forcément, par exemple, je vais prendre un cas extrême. Si Gravity était sorti que sur Netflix, bien sûr que le film aurait, je l'aurais peut-être moins savouré. Il y a des films comme ça que préfère les voir au cinéma, mais je préfère les voir sur une télé, parce que Netflix, j'ai l'impression qu'ils s'ouvrent pas. Ils pensent que Netflix, c'est des portables et des tablettes, alors que non, il y a des télé connectées avec des home cinéma. On peut, même des rétroprojecteurs et tout. Tu mets un ordinateur sur une télé, ça fonctionne. Ouais, voilà, ça fonctionne. Et au moins, ces films existent. Voilà. Mais après, pour autant, j'ai un avis quand même sur cette polémique. Alors, c'est vrai que, pour moi, c'est pas vraiment un problème que le film soit produit par Netflix. Mais c'est vrai que quand tu participes à un festival, tu te plies aussi aux règles du festival. Oui. Donc c'est vrai que je peux comprendre que ça dérange aussi. Mais des règles n'ont jamais été vraiment établies. Enfin, à l'époque, Netflix, il n'y a pas eu forcément de règles spécifiques, je pense. Regarde, c'est normalement les films canois sortent au cinéma. Non, donc mais regarde le festival de Deauville, ils ont bien récompensé il y a un an un film qui était sorti sur Internet là, je sais plus comment on appelle ça. Comment on appelle ça? Le film avec Michael Shannon, là, 99 Home, là, c'était un film. Il n'est pas sorti au cinéma, c'était pas un DTV. C'était un DTV. Non, c'était pas un DTV, c'était un film sorti que sur Internet. que... Ah bon ? Ouais, c'était un... Comment on appelle ça ? Oh, je sais plus. Je peux pas t'aider là. Ah, je sais plus, c'est un... C'est un film avec Michael Shannon et ouais, puis... Ouais, ouais, il avait gagné le Grand Prix... Et Spider-Man, là. Il avait gagné le Grand Prix à Deauville et c'était... Non, pas Tom Holland, l'autre d'avant. Et bah c'était... Et bah voilà. c'était un film qui était pas sorti au cinéma ni en DVD, c'était que sur internet. Et il y en a beaucoup qui disaient ouais mais bah, du coup, je pense qu'il s'adapte aussi quoi. Je pense que au bout d'un moment on mais ira... c'est vrai que moi je dans un sens, je trouve ça complètement crétin d'aller huer sur un sur ah oui un... non mais ça c'est huer contre Netflix qui me gêne. Mais après c'est vrai que Netflix pourrait aussi bah oui, c'est vrai qu'on va à Cannes on pourrait éventuellement envisager même une sortie courte dans les salles de cinéma quoi. Mais après il y a, enfin, comme je disais, les films, tous les films ne sortent pas hein, en salle et ne sortent pas tout de suite non plus en salle. C'est ça le souci. Bah, par exemple, le prochain Bruno Dumont que j'attends énormément, qui est en Cannes en ce moment, l'histoire de Jeanne d'Arc en comédie musicale, voilà. Ça a l'air complètement barré. Ça a l'air complètement barré. Ça a l'air trop bien. Jeanne. Ça a l'air trop bien, franchement. Mais voilà, ça sort pas. On n'a pas de date de sortie. Donc au bout d'un moment, il y a plein de films qui ne sortent pas non plus en salle bah, ou tout de suite ou même pas du tout. Donc, et ce qui sort en salle quasiment en même temps, c'est les têtes d'affiche et même ah, encore. C'est les Palmes d'Or, c'est les prix du jury, c'est les meilleurs acteurs, meilleures actrices, enfin c'est tout ouais, ça. Quoi. Et enfin là, les Fantômes d'Ismaël, enfin ça avait l'air absolument horrible ce film et Morgane me confirmera aussi, je pense. C'était chiant, putain. Mais je crois que des plus chiants, je peux pas. Hein. Ouais, non, mais ça avait l'air absolument dégueulasse. Des plus chiants ou des pléchins ? Des plus chiants, j'avais dit, moi. voilà, bon, le seul film qui m'intéresse et qui sort en même temps à Cannes et dans toutes les salles de France, c'est Rodin. Et encore, c'est pas non plus un film qui me Il y a aussi Le Frère Ozon qui a l'air super. Ouais, super. Peut-être. France, c'était très bien, je l'ai rattrapé, j'ai beaucoup aimé. Ah, pour juste, en fait, ils appellent ça le e-cinéma. Voilà, le e-cinéma. Ah, cinéma, voilà. Okay. Et bah, 99 Netflix, ça home, fait partie hein, voilà. du cinéma. Après, par contre, c'est vrai que je ne veux pas que ça amorce. C'est peut-être ce qui me gêne aussi, c'est que je veux pas que voilà un film, admettons Okja est primé, admettons Palme d'Or Okja à Cannes. Je veux pas que ça lance la fin du cinéma quoi, en se disant que bah, maintenant on peut faire que de la VOD, c'est pas gênant. De toute façon, les gens ils regardent. Je pense qu'il y a il faut pas quoi. Ton avis. Et je trouve bien de mauvaise foi Almodovar. Il a dit non, mais finalement le film sera traité comme tout le monde. On sait que non. Et non, moi ça me dérangerait pas. Après, oui, forcément. Encore une fois, je préfère voir un film au cinéma. Mais voilà, tout le monde ne peut pas le faire et je préfère qu'un film existe et plutôt qu'il n'existe pas. Là, le prochain Scorsese, bon, voilà. Là où ça m'étonne un peu, c'est que Scorsese, je pense normalement, il doit pas avoir trop de mal à trouver des producteurs. Si c'est Bong Joon-ho. Je peux à la limite comprendre parce que c'est pas non plus très. Enfin voilà, il a sa renommée, mais voilà. Dans le cas de Scorsese, je trouve ça curieux. Non, à mon avis, c'est parce que Netflix offre une liberté comme personne d'autre en fait. Aucun studio ne permet. Et c'est ça qui les intéresse énormément parce que les studios, ils deviennent de plus en plus. Frileux, ouais. Ils veulent de plus en plus de contrôle sur les films. Et du coup, Netflix, c'est l'Eldorado, quoi. Mais vraiment. Mm. Pour les réalisateurs, parce que c'est quasiment 100% artistique, sans tout le côté producteur, sans tout le côté fric, etc. à côté. Sans le cahier des charges, sans machin. J'ai vu 2-3 films Netflix produits et réalisés par Netflix, et c'est vrai que tu sens vraiment que ça soit, artistiquement ou même au niveau de l'histoire, ils se permettent en fait des choses que l'on ne verrait pas. Ouais. Sur grand écran. Par exemple, j'ai vu le film Pas un bruit. Oui, qui est un thriller qui est très bien dans son genre. Et c'est vrai que au cinéma, je sais pas comment ça aurait été reçu, quoi, parce que t'aurais pu avoir les associations de malentendants et tout qui lui seraient tombés dessus, toutes ces choses là. Et c'est vrai que Netflix, se pose pas la question de savoir si ça aura des répercussions ou pas. C'est on propose, on verra bien. Ouais. Voilà, donc vous avez compris, Netflix, sponsorisez-nous. parce que oui. on fait de la pub gratuite depuis avant. Mais non, mais bon, après, le seul souci en fait avec Netflix, je pense, c'est pour ceux qui habitent dans des endroits où la connexion internet ne dépasse pas les 5 mégas. Là, par contre, Netflix, ben ça fonctionne pas ou quasiment pas, quoi. C'est quasiment ça, pas, ouais. Voilà, et ça, par contre, c'est un des gros désavantages. Bon, ils ont qu'à déménager, hein. Mais voilà, c'est ça, comme. Faut s'adapter au bout d'un moment, hein. Voilà, tous les Français vont se retrouver à Paris, ils seront bien embêtés. Après, bientôt, tout le réseau français sera en 4G normalement. Ils y pensent beaucoup, hein. Oh, et la Macron, fibre est... si tu nous écoutes. La fibre est normalement en train de se développer. Oui, oui. Il y a un projet. Internet, ça a un coût aussi. Il y en a, ils n'ont pas les moyens de se payer Internet. Voilà, mais bon, malheureusement, oui. Voilà, ça fait partie. Donc, ceux qui ne peuvent pas se payer Internet, des fois, ne peuvent pas aller au cinéma non plus. Donc, forcément, maintenant. Par contre, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai que pour avoir un abonnement Netflix, il vaut mieux avoir un abonnement Internet. Donc, forcément, voilà. L'abonnement Internet est un petit peu plus cher par mois. Oui, parce que ou un abonnement 4G. Hein, ou alors, un abonnement non, ou alors vous savez, ouais. Maintenant. Enfin, oui, non. Oui, non, non, non, non je dis des grosses conneries. J'allais dire que maintenant, non, les téléviseurs. Non, il y a des téléviseurs. Ah bah non, tout marche par internet. J'ai rien dit. Ah, non, les téléviseurs, ils ont besoin d'internet. Hein. Oui, j'ai des téléviseurs, ouais. Les téléviseurs Netflix. Bah oui, mais bon, il faut se connecter. Ouais. T'as des télés avec TNT intégrées, bien sûr. Ouais, mais... ou non, ou avec ça, le ça programme Netflix. Non, mais moi, sur mon ancienne télé, là où j'étais avant. Oui, mais je veux dire, les applications, tu les as pas sur les télés TNT. T'as les chaînes, mais t'as pas les applis. Ouais, ça. Que tu peux avoir avec une box, forcément. Voilà. Donc c'était sur ça, c'était sur le truc Netflix qui était un peu débile. Après bon. Le film en lui-même, moi me botte pas plus que ça. Hein. Ah moi j'attends énormément. Non, pas spécialement. La grosse bestiole m'a pas hyper inspiré. Donc. Bah... L'affiche est jolie, mais c'est tout. On dirait Elliot, non Peter Elliot. Non, c'est vrai. Ah bon? Ouais, je trouve, il a une. Mais je me suis pas trop concentré sur ce que le film racontait. Moi, Bong Joon-ho, voilà, ça me suffit. Il pourrait faire Winnie l'ourson, j'irais, quoi. Parce que c'est bah Bong Joon-ho, oui. Mais j'ai vu un design. D'ailleurs, il y a un article, ça j'adore aller sur la page Facebook des sites pro-vegan. Et il paraît que c'est un film qui est ouvertement pro-vegan. Et du coup, les pro-vegan ont adoré. D'accord. C'était génial. En revanche, ils ont pas trop aimé le film Grave. Allez savoir pourquoi. Ouais, forcément. Mais justement, Bong Joon-ho qui a fait The Host, enfin c'est encore un autre film de monstre, ouais. Et ça c'est voilà. Bon, on a assez parlé de ça, mais en tout cas, moi je suis assez impatient de voir ce film. En plus, je pourrais le voir chez moi tranquille. Voilà, pour ajouter à la polémique. On passe à l'avant-dernière news, c'est prochain Astérix. Oh, j'ai vraiment du mal. Astérix. Astérix. En fait, le problème, c'est que en cours, j'utilise un truc qui s'appelle astérisque et du coup, j'arrête pas de le dire et du coup, c'est pour ça. Mais va Astérix. Donc, le prochain film de Louis Clichy et Alexandre Astier qui sortira pour Noël 2018 et ce sera La place des clichés. Ce sera Le secret de la potion magique qui ne sera pas adapté. D'un album de BD, et c'était ce que Alexandre Astier voulait. Il voulait faire un film complètement original, et il a réussi à avoir ça des producteurs. Donc ça, déjà, le Domaine des Dieux, on lui avait proposé. C'est le Domaine des Dieux, c'est lui qui l'a proposé. Hein. Ouais. Parce qu'à la base, les studios voulaient que ça soit une adaptation de Astérix chez les Hispaniques ou je sais plus quoi. Ah, non, c'est pas les Helvètes. C'était plus sur l'Espagne, donc. Je sais plus maintenant le titre. Et du coup, c'est lui, il a dit oui, moi je veux bien faire un Astérix parce qu'il adore, il est très très fan de les auteurs ouais. De. Oui, voilà. Et puis Goscinny, l'univers. Oh, mais de toute façon, tu regardes Kaamelott, tu regardes Astérix, il y a des gros. Ah oui. Et du coup. C'est lui qui avait proposé le Domaine des Dieux et c'est vrai qu'il avait aussi émis l'idée de faire quelque chose d'original. Avec les personnages. Et du coup, voilà. Ça y est, hein, c'est. Et en plus avec le style d'animation qu'on avait vu dans le Domaine des Dieux, donc c'est déjà je le trouvais assez beau le Domaine des Dieux. Ah oui. Bah, c'était vraiment bien fait. Il y avait un vrai parti pris visuel. Carrément beau ce film. Ouais. Morgane, tu es content? Oui, bah content, oui. Enfin rassuré tout du moins parce que moi. voilà, définitivement pour moi le réalisateur ultime niveau Astérix, c'est pour moi Alain Chabat. Ouais, mais Alexandre Astier avait fait un travail. Oui, mais là c'est des dessins animés là. Ouais, ouais, mais bon, j'aimerais bien, par exemple, Astier à la Réal et en co-scénariste, lui Chabat. Alain Chabat. Ah. Putain, mais alors là, ah. Non, mais voilà, je trouve. Ouais, pourtant, l'humour Astier et Chabat sont assez proches, hein. Ouais, ouais, mais Chabat, il a un. Chabat, pour moi, il va plus dans l'humour un peu loin, anachronique, ouais. Qui me plaît vraiment. Ouais. T'as pas vu tous les Kaamelott, toi, alors. Ouais, non, c'est vrai, mais c'est vrai, ça fait beaucoup. Mais non, je suis rassuré parce que le Domaine des Dieux était non seulement il était drôle, mais il était magnifique, quoi, visuellement. Ouais, clairement. Impeccable, franchement. Oui, donc je suis rassuré et je suis content parce que on sent qu'il aime le support, on sent qu'il aime le truc, donc oui, bah que de toute façon, oui, fasse ce qu'il a envie. Pas un truc qu'il aime pour s'écrire. Non, puis Astier, voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui disent que voilà, en France, on manque d'auteurs, mais alors quand on a un mec comme Astier, on peut se dire que voilà, on peut quand même dormir tranquille. C'est pas totalement mort les comédies, tout ça. Et du coup, c'est vrai que je pense que Kaamelott au cinéma va faire un carton, mais je vous prédis, je pense que lui, il peut taper dans les 10 millions d'entrées faciles, tellement mais c'est. Moi, je suis en train de terminer la saison 6 là, et si c'est de la même facture, je pense que ça peut être très, c'est très bon. C'est comment dire, parce que ça sera plus proche forcément de la saison 5 et de la saison 6. Souvenez-vous, j'avais plus ambitieuse, qui sont plus longs en fait sur des formats plus longs. Et c'est vrai que il y a le même humour et c'est plus développé et c'est vraiment c'est très très bien. Je pense oui que les Kaamelott, si et en plus il prend le temps de les faire, il a dit que ça lui prendrait 10 ans de sa vie s'il les faisait, et maintenant c'est sûr, c'est engagé, il va les faire. Ouais. Ça risque d'être mais c'est surtout que très bien. Souvenez-vous, j'avais dit oui Kaamelott, j'aime bien, mais et en fait, j'ai regardé, ça passe encore à la télé, et je regarde, je me dis mais quand même, qu'est-ce que c'est bien écrit, quoi. Je veux dire, mais c'est vraiment un régal à écouter, à regarder. Et je pense mais que le cinéma, ça peut même donner il y a un épisode, moi, de la saison 5, ça m'a même ému, quoi. Je m'attendais pas à de Kaamelott. Bon. Il est très bon dans le passage, en fait, entre humour et émotion. Il est excellent dans ce. Il y en a que ça dérange parce que du coup tous les effets dramatiques sont désamorcés par de l'humour, et en fait c'est de l'humour sans être de l'humour, c'est que t'as toujours ce côté anachronique où ils vont parler de sujets graves mais avec des sujets graves et plus ou moins propres à l'époque de Kaamelott, mais en même temps de manière très moderne, très actuelle, avec des fait chier, putain, machin. Ouais. Bande de glands et tout, c'est génial, quoi. Parce que ce qui est génial, c'est que l'impact émotionnel reste le même. Donc, que si c'était dit autrement, en fait. Ouais. Mais donc. De toute façon, Astier, de toute façon, il a une patte indéniable qui fait que, voilà, moi, pour moi, Kaamelott, je prédis. Même, je pense que. Pas que dans le scénario et dans l'écriture. Je pense que techniquement, il peut proposer quelque chose, mais limite d'inédit dans le genre, quoi. D'un truc très audacieux, très poussé. Enfin, s'il prend autant le temps, parce qu'en plus, il s'entoure de tout le monde, je pense que toute sa famille reviendra. Ouais. Et puis lui, fédérateur. Clichir, oui, tu parles de Kaamelott. Je pars sur Kaamelott, du coup, forcément, je dérive, mais je vois que quand on voit même qu'aujourd'hui, il y a des gamins qui ont 10, 12 ans et qui connaissent Kaamelott, qui aiment Kaamelott. Kaamelott, c'est vraiment universel, quoi. C'est donc. Ah, mais moi, je crois que ça doit faire une dizaine d'années que je sors, tout va. On en a gros. et pourtant, Kaamelott, c'est ça fait un moment. Ça fait 12 ans. 2006, ça a débuté. Ouais, donc ça fait 11 ans. Ouais. Avant, pardon. Ça commençait avant. Dit à Ciré, son court métrage, il est plus vieux, mais 2005-2009, voilà. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est aussi ces spectacles que Ma Joie demeure et l'exoconférence, il est formidable. C'est excellent. Et que Ma Joie demeure aussi, si t'as aimé l'exoconférence, je te conseille. Parce et je l'ai pas vu encore, faudrait que je le voie. Mais je crois qu'il est sur Netflix en plus. Ouais, il me semble. Ouais. Et c'est vraiment. Et Morgane, toi, l'exo, t'adorerais, hein. Excellent. Toi qui as adoré X-Files, à mon avis, l'exo, tu vas te régaler. C'est excellentissime, mais vraiment, c'est drôle, intéressant, on apprend des choses, et voilà. C'est une facilité de vulgarisation qui est impressionnante. Ouais. Mais ouais. Voilà, donc ce mec est un dieu. Ouais. Vraiment, et on devrait plus le... Enfin, on le met déjà pas mal en avant en France, mais je pense qu'il est, il mérite pas... Enfin, il a pas tout le crédit qui mérite, quoi. C'est... Mm-hmm. Voilà. Donc, C'est vrai que le prochain Astérix, du coup, c'est assez... Moi, je suis assez rassuré. Après, c'est vrai que jusque-là, bon, ça casse un peu la tradition, que c'était toujours des adaptations. Mais je pense aussi, et pour connaître plusieurs personnes qui ont lu tous les Astérix, c'est vrai que tous les meilleurs ont été adaptés, quasiment. D'accord, ouais. Donc, du coup, c'est vrai que les mineurs, après... les mineurs, peut-être que... mérite moins aussi d'être adapté. Ouais. J'ai pas envie de dire ça, j'aime pas dire ça, mais bon. mais c'est vrai qu'un original peut être bien, mais je pense que de toute façon ce sera un original, mais vraiment dans l'esprit de. Et je pense qu'il respecte trop les auteurs d'Astérix pour. Pour casser ça en fait. Ouais. Ah oui, je pense qu'il respecte trop Uderzo et Goscinny pour ne pas faire quelque chose qui soit dans la même veine. Ouais, clairement, mais je pense que c'est une des. Enfin, oui, comme t'avais dit, c'est une des influences. Une des plus grosses influences sur lui, Goscinny, en tant qu'écriture, en écriture en tout cas. Dans le jeu, c'est de Funès, c'est clair. Ouais, ouais, aussi. Mais dans les influences d'écriture, oui, il y a Goscinny, et Star Wars, et ouais, voilà, Lucas, tout ça. Il y a plein de choses. Donc voilà, moi je suis aussi super confiant, mais Astérisque, j'arrive pas à le dire, c'est horrible. Et Les Vikings, qui était sorti en 2006, le film d'animation, c'était pas une adaptation, je crois que c'était un film original, non? Il me semble. En fait, c'était un genre de symbiose entre entre deux albums. Non, c'était pas vraiment. C'était plus une adaptation de chez les Normands. D'accord. Ok. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est. Ouais, mais pardon. Non, c'est le au service de Sa Majesté qui fait une symbiose entre les Bretons et les Normands. Ouais. Ok. D'accord. Oui, c'était vraiment pas bon ça par contre. C'était moins bon, c'était moins pire que les Jeux Olympiques, mais c'était moins bon. C'était clairement moins bon. C'était moins bon que le Mission Cléopâtre. Bah, en même temps, pour atteindre le niveau Mission Cléopâtre, faut se lever de bonne heure. Ah ouais, ouais, ouais. Donc on passe aux dernières news, un truc qui va faire plaisir à Morgane peut-être, j'imagine. C'est la saga Resident Evil qui était finie normalement, hein, avec le 8e ou le 7e, non ? Je sais plus. Le 6e. 6e, bah voilà, j'avance déjà de numéro. Donc le 6e, normalement, c'était censé être la fin. Et ils ont annoncé qu'ils allaient rebooter la saga Resident Evil. C'est bien la fin. Normalement, c'est la fin. C'était la fin. Oui, non, mais c'est bien. Le 6e, c'est la fin. C'est la fin, Resident Evil. Plus de suite, fini. D'accord. Moi, je l'ai rattrapé. En retard, évidemment. Mais j'ai beaucoup plus. Enfin, voilà, mais pour. Vulgairement, on a touché une sans faire bouger l'autre. mais du coup, l'idée du reboot, c'est pas une mauvaise idée, je pense. D'accord. Enfin, on n'a pas d'idée en fait. Enfin, je sais pas si on a une idée de qui va réaliser ça. Bah, les gens espèrent que ce sera plus dans l'esprit des jeux, donc histoire d'avoir quand même parce que les Resident Evil apparemment sont des jeux qui te mettent bien les miquettes. Ouais, quand même, ouais. Bah, voilà. Moi, j'ai toujours entendu dire que en fait, les Resident Evil c'était quand même un peu niveau scénario des bonnes séries B que rien ne valait, et je crois qu'Axel va approuver les bons vieux Silent Hill en termes de flip. Ah oui, clairement. Il y a beaucoup qui m'ont dit. Souvenez-vous de. On faisait des podcasts avec lui avant, Florian. Lui, il n'aime pas vraiment les Resident Evil. Il m'avait dit c'est des gros nanars en fait. Mais les jeux sont cool à jouer. Mais en termes de scénario, c'est quand même des gros nanars. Et il m'a dit limite, ceux qui pensent que les films sont des nanars, bah, rejouez au jeu, vous verrez que ça s'en éloigne pas vraiment. Ah oui, les gens qui n'aiment pas le film, c'est parce que c'est pas des vraies adaptations. C'est ça qui. Voilà, c'est ça. Mais c'est que ça s'en éloigne énormément. Mais ça veut pas dire non plus que le scénario de base de Resident Evil. Exceptionnel, c'est d'une grande qualité. Hein. J'ai pas joué au jeu, mais j'ai lu les trames de certains, et c'est oui, effectivement. Bon. Bah oui, non, mais c'est. Voilà, c'est un scénario. Mais après, il paraît que c'est vraiment sur l'effet terreur que ça marche bien. Quand t'es dans le jeu, apparemment, tu te fais bien surprendre et tout. Bien stressant. Les 4 quatre premiers sont vraiment très très très bons au niveau de la flip et tout ça. Après, c'est aller plus vers l'action, comme les films d'ailleurs. Parce que moi, dans les films, il y a que le premier qui m'avait fait peur la première fois. Après, c'était foutu, mais qui m'avait fait peur, c'était enfin, qui jouait plus sur le suspense. Après, oui, c'était plus du gros film d'action, bien bon. Voilà. Ah, le premier, il me fait peur, moi. Le premier Resident Evil. Hein. Fou. Même encore aujourd'hui. Hein. Ah, je regarde pas seul celui-là. Ah bon? Ah non, il me fait peur. Hein. C'est il y a des moments quand elle se réveille dans le manoir au début, qui a dit il y a quelqu'un, quand elle marche tout seule, ou même la musique, ou même la première fois qu'on voit le premier zombie quoi. Ça est dans l'eau là. Oh, quelle horreur. Donc Morgan, toi qui es tu le dis que t'es quand même un fan de la saga, peut-être pas un fan mais t'apprécies la saga on va dire plutôt ça. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de rebooter? Au moins, voilà, les fans du jeu auront leurs souhaits seront exaucés. Donc, je trouve ça normal parce que c'était même pas des adaptations. C'est pas sûr. Je sais pas ce qu'ils vont en faire. Hein. Ouais, non, mais je pense qu'ils vont l'avoir. Ça y est, ils ont compris. Enfin, voilà. Maintenant, faut voir qui. J'aime. C'est un gros plaisir coupable, la franchise de base, donc forcément pour moi Resident Evil au cinéma c'est avec Mila Jovovich. Après c'est bien pour les vrais fans du jeu qui de leur offrir ce qu'ils veulent en termes d'adaptation. Néanmoins, est-ce que l'adaptation de Resident Evil, compte tenu de plein de fictions actuelles sur les zombies, aussi bien au cinéma qu'en série, peut-être est un peu obsolète quoi. Voilà, ouais. The Walking Dead, on en pense ce qu'on veut, néanmoins ça propose aussi quelque chose. Est-ce que finalement parce que je pense que regardez les films de Romero, les derniers films de Romero, ils avaient plus vraiment d'impact en fait. Non. Parce que c'était lui à l'époque, c'était quand même un genre assez particulier, le zombie, c'est lui qui l'a un peu fait naître, j'ai envie de dire. Donc ouais, du coup, ouais. C'était donc là est-ce que finalement ce sera pas un petit peu en plus si c'est aussi un pur film de studio, si ça joue juste sur le côté on adapte bien puis qu'au final ça, enfin je sais pas, je trouve que ça aurait pas de... Moi personnellement je trouve ça inutile hein, mais vraiment déjà les scénarios sont pas géniaux des jeux donc en fait je vois pas l'intérêt de faire ça. Il y a des jeux, même si c'est vrai qu'on n'a pas été très gâtés depuis très longtemps et même peut-être jamais d'avoir un vrai vrai bon film adapté d'un jeu vidéo. Le seul à peu près bon film, c'est Silent Hill. Et encore, moi, je trouve qu'il y a des problèmes. Il fait vraiment pas l'unanimité. Hein. Ouais, voilà, mais il y a quand même des problèmes. Mais c'est le mieux qu'on a, donc on peut pas se plaindre sur celui-là. Mais c'est dommage qu'un film de 2005 soit le meilleur film qu'on ait fait sur du jeu vidéo de tous les temps, quoi. Enfin, moi personnellement, j'ai pas vu de meilleur film. Basé sur une franchise de jeux vidéo, parce que il y a des films qui sont dans l'univers comme Le Monde Incroyable de Ralph qui est très bon. Moi j'aime beaucoup d'ailleurs Les Mondes de Ralph. Et d'ailleurs le monde secret des emojis, ça reprend la trame. Ils vont se balader de l'univers en univers. Ouais, mais ça reprend Lego. Ça reprend la trame du monde de Ralph, la borne qui fonctionne. Voilà, plus, Ralph, ça, ouais. Ralph, il fait un truc qui fait déconner la borne, et c'est lui qui va aller le. Non, c'est pas Ralph qui fait déconner. Si, c'est Ralph qui fait déconner puisqu'il se barre de l'univers, et donc après. Mais il veut plus être le méchant. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est exactement le même scénario, mais ça, j'avais oublié de le dire, mais voilà. Les univers basés sur le jeu vidéo, les films qui sont sur ça, il y en a certains qui sont sympas. Le monde de Ralph, Scott Pilgrim, etc. C'est des bons films basés sur les univers de jeux vidéo, mais les sagas, il y a rien, il y a absolument rien. Et même genre Assassin's Creed, Warcraft, etc. Enfin, c'est vraiment j'aime pas dire ça du sous-cinéma, mais c'est vraiment de la daube quoi. C'est... Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera. Quelque chose à rajouter sur ça? Non. Ok, nickel. Je pense qu'on a tout dit. On a fait quand même pas mal. On a fait un petit. Mais il y avait de quoi faire aussi. Il y avait de quoi faire. J'ai juste une petite info, juste dernière minute. Le film de Saw Legacy, en fait, change de titre. Il ne s'appelle plus Saw Legacy, mais il s'appelle Jigsaw. Voilà. D'accord. Donc, ouais. Tout simplement. Donc, comme ça, ils annoncent la couleur, c'est ça? Voilà. Directement. ouais, en plus, on avait parlé, je crois, en février, quand t'es dans le dernier podcast, donc voilà. De toute façon, ce film, il y a tellement de news sur ce film, il serait quasiment à chaque podcast si on devait choisir une news à chaque fois. Donc voilà. Merci à vous deux d'avoir participé. C'est toujours un plaisir de vous avoir pour faire ça, pour parler des news et pour parler aussi des polémiques qui fâchent. voilà. Merci à ceux qui ont écouté. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez nous retrouver sur le site moviesnerd.net pour nos podcasts, nos critiques et nos émissions. Oui, c'est un peu la même chose, mais c'est pas grave. Donc, vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Movies Nerd tout court sur Facebook et Twitter, c'est Movies _ Nerd. Sur iTunes et PodCloud, c'est là où vous pouvez noter le podcast, mettre des étoiles, etc. Ça nous fait monter dans les classements et ça nous fait vous aimer plus. pour jouer là. Est-ce que pour le moment, on vous aime pas trop hein? Ouais, on n'est pas sûr encore. On tourne autour du pot. Hein. Donc, et aussi sur Sens Critique, vous pouvez aller sur la page Parlons Cinéma et vous pouvez noter le podcast. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Moi, personnellement, vous pouvez me retrouver sur Twitter et Sens Critique et Movies Nerd aussi. TheLexal, THELEXAL, pour n'importe quoi. Morgane. Oui. Puisque ça fait longtemps que tu ne l'as plus fait, est-ce que tu t'en souviens? Alors, je ne sais plus qui je suis. moi, on peut se retrouver sur Twitter, donc @CinéMorgan. Morgan Cinéman. Cinéman, on voilà. S'appelle la polémique. Ouais, voilà. On n'en reparlera pas. Voilà. Et sur votre caster, donc Cinémaniac. Hein, et là, malheureusement, je ne peux pas changer. Hein. Et donc, si la fameuse personne a un petit problème avec ça, bah, désolé, hein, je te dis crotte. Hein. Ok. Et Eddie, du coup. Sens Critique, Movies Nerd, Twitter, Facebook, Essayiste. Nickel. Donc voilà, on vous remercie encore d'avoir écouté et on se dit au mois prochain pour le prochain Parlons Cinéma. Salut. Salut. Salut. Allô, y a quelqu'un au bout du fil? Faut réfléchir, McFly, faut réfléchir.